de la poudre et des balles. Voilà, il faut donner à Zelensky de la poudre et des balles. La conviction que j'ai, qu'il appartient aux juifs en moi de travailler à la rédemption du reste des humains. Petit coup de l'âme de l'humanité. C'est ça être juif. Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 8, épisode 23. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous écrire, faites-le à l'adresse suivante, dempart2@dnmx.org. J'appelle D-E-M-P-A-R-T 2, donc le chiffre 2, @dnmx.org. Et le forum ELB, ça avance. J'ai pas de date à vous donner, mais ça avance. J'ai bon espoir qu'on arrive à une conclusion heureuse dans pas trop longtemps, mais j'ai pas de date encore à vous donner. Idencia, un rappel nécessaire. Projet de réseau social sur Tor, qui serait chiffré de bout en bout, qui serait décentralisé, donc il n'y a pas de serveur central, hein, donc il n'y a pas de contenu à saisir, entre guillemets, ça fonctionne plutôt comme le site de Torrent, si vous voulez, enfin comme le Torrent, c'est, tout le monde héberge un peu le contenu, vous pouvez avoir tous les détails du projet sur la barre droite du site, Démocratie Participative, bien sûr, qui est disponible désormais à l'adresse suivante, dempart.buzz, B-U-Z-Z. Donc, Idencia, vous connaissez le principe, puisque je l'ai souvent présenté. Voilà, réseau social, chiffré de bout en bout sur le réseau Tor, sans censure, ok, et donc décentralisé. Donc, ça nous paraît être le projet le plus solide pour offrir un réseau social alternatif quand vraiment la censure va commencer. Je vous rappelle que l'Union européenne a annoncé qu'à partir du mois d'août, la censure en temps réel des réseaux sociaux sera mise en place. On va voir comment ça va se déployer, mais Thierry Breton en a fait part. Si vous avez suivi ce qu'a dit Thierry Breton à la suite des émeutes raciales en France début juillet, ça leur a mis considérablement la pression, donc notamment évidemment sur l'État français, c'est-à-dire toute la circulation de ces vidéos qui étaient prises en direct, qui étaient vues des millions de fois. Donc, contrairement à 2005, le public français ou d'ailleurs étranger a pu voir ces émeutes, on a pu voir ce qui se passait, les médias français n'ont pas pu occulter tout ou partie de la réalité. Donc ça leur a fait extrêmement peur. Thierry Breton a indiqué que justement, dans le cadre de la législation, de la nouvelle loi européenne qui allait entrer en vigueur, au mois d'août, ils pourraient justement censurer du contenu comme ça, ce qu'ils avaient appelé des appels à la révolte ou à l'insurrection. Bon, donc on va quand même vers une censure de plus en plus généralisée des grands réseaux sociaux, hein, et ceux qui veulent pas jouer le jeu, parce que avec Elon Musk, en fait, il y a, on ne sait pas exactement dans quelle direction ils veulent aller. Mais Elon Musk a toujours plus ou moins envie de faire un peu moins de censure que les autres réseaux sociaux. Et ça passe quand même assez mal vis-à-vis du gouvernement français, vis-à-vis de l'Union européenne. Donc on va voir comment ils vont s'organiser. Mais il y a des tensions évidentes, quoi. Hein, voilà. Je procède à la présentation des membres de cette semaine. On est au cœur de l'été. Et là, on a Nogaret avec nous. Salut Nogaret. Salut Gandalf, salut Doc et salut à tous les auditeurs. Comme tu l'as dit, Doctor fait son retour. Salut Doctor. Salut Gandalf, salut Nogaret et salut tout le monde. Alors Jean devait participer, mais il s'est excusé. Petit empêchement de dernière minute. Donc nous allons remercier les donateurs de la semaine. Donc nous avons un don. Si jamais vous avez fait des dons, vous n'avez pas eu de réponse, parce qu'il y a eu des bugs sur les adresses e-mail des NMX récemment. S'il vous plaît, réenvoyez-nous un message pour nous dire, voilà, j'ai fait un don à tel moment, j'aimerais une confirmation. Si on ne vous a pas répondu, c'est indépendant de notre volonté. Il y a eu du cafouillage sur DNMX. Malheureusement, la liste des prestataires de services en email est assez courte. Et il y en a beaucoup en Europe d'ailleurs. Et évidemment, on n'a pas envie d'être présent en Europe au niveau des adresses email. Donc on est toujours un peu restreint par rapport à ça, par rapport aux emails. Donc du coup, on n'a pas des masses alternatives. Alors, donc si vous avez besoin de confirmation, s'il vous plaît, envoyez-nous un petit message sur notre nouvelle adresse, dempart2@dnmx.org. Alors, voici ce message de notre donateur, Celtic Cross, donc Croix Celtique. Bonjour à toute l'équipe de DP, je viens d'envoyer 3 Monero pour les mois de juillet et août. Donc, merci beaucoup, Celtic Cross. Ça nous est extrêmement utile parce que bon, la censure est très forte en ce moment, enfin depuis plusieurs mois. Il y a un effort renouvelé. Bon, il est constant, mais il y a un effort renouvelé pour essayer de nous empêcher de diffuser. Cette semaine, enfin la semaine précédente, ça ne s'est pas amélioré et on va y revenir. Puisque, bon, il y a, le parti présidentiel qui a fait une déclaration officielle contre démocratie participative. On va y revenir. Donc, tous vos soutiens nous permettent de tenir, d'accord? Pour payer l'infrastructure, etc., qui est plus large que ce qu'on pourrait croire de prime abord, parce qu'on pourrait juste se dire c'est juste un site internet. Non, il y a une infrastructure technique derrière pour résister à la censure. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent et bien sûr aux donateurs qui sont anonymes, hein, ceux qui nous envoient des dons mais qui ne se manifestent pas, on voit pas d'email. Vous pouvez toujours nous envoyer un email pour qu'on vous remercie en ligne, c'est bien la moindre des choses. Donc merci à tous nos donateurs, vous connaissez la procédure pour nous soutenir. Exclusivement en crypto-monnaie, par Monero. Il y a un guide explicatif à droite sur le site. Là aussi, le choix de Monero qu'on a fait il y a maintenant près de 3 ans s'explique par la volonté de protéger nos donateurs et aussi de nous assurer un moyen de financement qui échappe en fait à la censure. Et ça a plutôt bien marché jusqu'à présent. Donc je poursuis le courrier de notre donateur. Question concernant Vincent. Le site https://sansconcession.org est inaccessible depuis plusieurs jours. Le nom de domaine ne semble plus exister. A-t-il changé de nom de domaine ou peut-on espérer un retour prochain du site? Autre question, est-ce toujours possible d'envoyer des Monero à Vincent? Que ce soit pour financer le retour de son site ou pour l'aider personnellement. Alors, réponse, cher Celtic Cross, effectivement, j'ai constaté aussi que le site de Vincent est actuellement indisponible. J'en ignore la raison, et c'est dommage parce qu'évidemment, il y a aussi sa boutique et donc l'accès à ses ouvrages. Donc, je ne peux pas vous répondre pour le moment. Si quelqu'un pourrait nous éclairer et nous envoyer un petit message par email, ça serait évidemment bienvenu pour qu'on fasse une annonce. Pour qu'on fasse une annonce le moment venu. Et alors, en revanche, ce que je peux dire, c'est qu'il est y a quand même un compte Telegram sans concession. Nous, on n'appelle pas à utiliser Telegram, d'accord? Par exemple, on n'a pas de compte démocratie participative. C'est possible que des gens, si vous voulez, répercutent les articles de démocratie participative sur Telegram, mais nous, on n'en a pas de compte officiel. Parce que, je vous passe les détails, mais grosso modo, c'est pour des raisons de sécurité, voilà. Bon. Mais bon, Vincent et son équipe ont une autre approche, et ils ont un compte Telegram que vous trouvez facilement. Donc, je peux vous donner l'adresse, hein, c'est https://t.me/s/sansconcession en un seul mot. Donc, c'est l'adresse typique hein, du canal Telegram. Mais si vous tapez blog sans concession Renoir dans Google, vous allez voir que de toute façon le canal Telegram remonte. Et là, il y a quand même des news récentes de Vincent. Donc, à défaut d'avoir un site officiel qui fonctionne à ce stade, et pour autant que je sache, pouvez vous reporter à Telegram. Il est accessible d'ailleurs sur PC sans même s'inscrire sur Telegram. Hein. Vous pouvez juste cliquer et voir les dernières parutions sur le canal Telegram. Vous n'êtes pas obligé d'installer Telegram sur votre téléphone. Hein. Vous pouvez simplement consulter le canal sans compte. Donc voilà. Et là, il y a ces derniers articles, etc. Donc c'est tout ce que je peux dire pour ça. Alors, pour financer, est-ce qu'on peut toujours envoyer des Monero à Vincent? Alors oui, ça nous avait été expliqué très clairement. Hein, les comptes. Donc nous, on recommande Monero hein, toujours hein, pour des questions d'anonymat. Hein. Je sais qu'il a une adresse, il a une adresse Bitcoin, etc., mais bon, nous, on recommande vraiment Monero pour l'anonymat le plus absolu. Et donc oui, ça marche. Donc l'argent n'est pas perdu si vous faites un don. Donc ce que je peux vous dire, alors l'aider personnellement, je ne sais pas dans quelle mesure l'argent vraiment l'aide, parce qu'il a une équipe qui s'occupe justement du site, donc là il y a un bug, et aussi de la vente des ouvrages, donc je pense que la plupart des dons servent en fait à financer l'activité du site en fait, hein, parce qu'il faut quelqu'un pour le gérer, il faut quelqu'un pour faire les envois de livres, pour faire l'édition, tout ça. Donc, c'est quand vous donnez à Vincent, en fait, vous donnez à toute son entreprise personnelle, on va dire, c'est sa maison d'édition, etc. Donc, c'est pas perdu, mais c'est pas pour lui directement en prison, par contre, pour autant que je sache. Je pense qu'il s'en sort à peu près correctement en prison. Donc, voilà ce que je peux dire pour le moment. Voilà. Alors, si jamais il y a des proches de Vincent qui m'écoutent et qui veulent préciser quelque chose, parce que c'est vrai que moi, je n'ai pas forcément d'informations complémentaires, mais s'il y en a, évidemment, on les répercutera avec plaisir. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc merci encore, Cathy Cross, pour ce don. Alors, rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. C'est le chat blanc que nos auditeurs connaissent, puisqu'il nous a déjà écrit à plusieurs reprises, et il nous raconte un peu son périple. Il était à Paris avant, et là, il a bougé. Alors, on va l'écouter. Bonjour Gandalf, bonjour à l'équipe et à tous les auditeurs. Tout d'abord, merci encore pour toutes vos émissions que ma compagne et moi attendons religieusement chaque semaine depuis quelques années maintenant. Une grande pensée pour Vincent, victime de la bien-pensance et de la belle liberté de penser, valeur constitutionnelle qui n'est plus à démontrer. Ce courrier fait suite au courrier transmis il y a quelques mois dans lequel nous vous apportions un témoignage de la capitale, donc de Paris, que vous avez bien voulu lire. « Il a trouvé l'amour à Paris » était le titre donc de ce témoignage. Cela fait désormais quelques mois que nous avons quitté la Babylone moderne, bel écrin qui va bientôt présenter au monde ses joyaux dans le cadre des Jeux Olympiques. La ville où le trafic est régulièrement interrompu par les chances pour la France qui enrichissent les rails du métro de leurs excréments fertiles. Ça doit être bon pour la planète, je suppose. Ravi d'avoir pu mener à bien notre projet de nouvelle vie, nous pensions trouver à l'est, dans la belle ville de Metz, rebâtie par les Allemands et dans laquelle j'ai grandi, de l'air pur et une vie sereine. Quel ne fut pas mon désarroi et surtout celui de ma compagne, complètement désemparée, compte tenu du fossé entre l'image que je lui avais brossée de la ville et la réalité. Quelques exemples du pourrissement constaté et préoccupant et navrant pour compléter le témoignage apporté par un auditeur il y a quelques émissions devant la cathédrale de Metz. Je me rappelle très bien. Pour souffler dans notre quotidien, nous avons de temps à autre envie de regarder des films ou des séries. La télévision est vraiment à bannir, publicité vendant tout le métissage ou la supériorité des Noirs sur les Blancs, films et séries dont le propos est ouvertement woke. Même l'univers des jeux vidéo est gangrené en regardant dernièrement plusieurs conférences de jeux vidéo. Quelle ne fut pas notre surprise de voir que les grandes licences mettent en avant des noirs systématiquement. Bien entendu, ces derniers voulant s'assimiler aux blancs, qu'ils ne sont pas, et représentant une manne financière non négligeable compte tenu de leur nombre pour les enseignes de jeux vidéo, nous nous attendons à en voir, mais à ce point-là... Une petite touche d'optimisme cependant, peu à peu... L'éveil des blancs se fait, non pas par le débat, mais par le bon sens, car la réalité rattrape les gens, même idéalistes. Même les gens non éveillés politiquement ne peuvent passer à côté de cette réalité du pain et des jeux, c'est ainsi que le pouvoir gouverne depuis l'Antiquité. mais il n'y a plus de jeux représentatifs et plus de pain qui coûte trop cher. Il y a de quoi s'interroger, à mon avis. En tout cas, cela donne beaucoup de billes et d'exemples pour argumenter face à des donneurs de leçons gauchistes. Au quotidien, dans toutes les situations, que ce soit au travail ou dans la rue, chacun y va désormais de son petit commentaire raciste. Par exemple, je cite, donc c'est notre auditeur et témoin qui nous dit ceci, « Ah, je croyais que le grand remplacement était une théorie !» Ou encore, « Ah, encore des bougnoules !» etc. L'actualité se charge de rappeler quotidiennement ce qui se passe dans notre nation, et les dernières violences urbaines, entre guillemets, elles sont méchantes, ces poubelles qui nous attaquent sans raison, ou les agressions incessantes des Kevin ne passent plus. Ils ne s'en tiennent plus au, entre guillemets, quartier, mais cassent tout, sans conscience, même les beaux monuments dans le centre-ville, qui ne représentent rien pour eux après tout. Sinon, tout va bien dans la France de l'Est. Les belles étoiles de David trônent fièrement au vu et au su de tous sur la charpente du centre Pompidou de Metz, les hommes de race indéterminée qui prient au grand jour dans les parcs dans lesquels nous espérions profiter d'un peu d'air pur, sans parler des groupes de Noirs, d'Arabes, de femmes voilées qui jonchent les rues désertées du centre-ville de la belle ville de Metz, dans lesquelles on se sent encore plus en insécurité que dans la capitale. Les seuls blancs sont des white trash, des punks à chiens ou des pseudo-gothiques aux cheveux colorés. En même temps, avec un maire qui passe son temps à poster sur les réseaux sociaux qu'il prie avec les musulmans dans des stades, qui inaugure des mosquées et qui est fier d'annoncer la redynamisation de l'aéroport de Metz grâce à l'ouverture d'une ligne directe pour Alger, mais heureusement, on ne parle pas allemand. Même plus mosellan, d'ailleurs. On parle, je ne sais pas ce qu'on parle d'ailleurs à Metz. Je sais pas. Le turc, peut-être, je ne sais pas. Une petite tranche de vie, témoignage de l'intérieur, pendant que le bon blanc docile peine chaque semaine à payer son caddie, dont le prix ne cesse d'augmenter, nos astrophysiciens hébergés par la princesse dans nos centres de rétention se paient le luxe d'être servis non pas par leurs homologues assimilés, qui livrent les autochtones, mais par de bons policiers blancs qui doivent répondre à leurs caprices. En effet, sachez que ces détenus disposent de cartes fournies par l'État qui leur permettent de commander chez Uber Eats de bons petits plats halal, nourris, logés et fins gourmets. Alors là, je découvre quelque chose, je ne savais pas ça. Donc les tollards ont le droit de commenter sur... Ah non, c'est peut-être pas les tollards, c'est juste les migrants, quoi, voilà. Ah bah c'est bien, c'est... Oui, oui, ils sont bien accueillis, hein. D'après vous, que va-t-il se passer en France dans les 10 prochaines années? Nous demande notre témoin. Il n'est pas simple de se projeter. L'État se tient comme un funambule juché sur une roue, sur un fil, au milieu d'un gouffre, toujours sur le point de tomber, mais avançant malgré tout. Il n'a pas intérêt à ce que tout s'effondre. Nous sommes donc toujours au bord du point de rupture, sans le dépasser. À chaque nouvelle affaire, on se dit que ça va s'écrouler, mais ça tient. Une question d'ailleurs. Les Juifs n'ont-ils pas été dépassés par leur projet initial? L'importation massive de nos enrichisseurs, qui se retournent contre eux, ne devrait-elle pas les préoccupés, donc les Juifs, à haut niveau? Pour finir, malgré ce grand remplacement et ces hordes d'enfants colorés qui peuplent notre territoire, ma compagne est convaincue que ce n'est pas la quantité d'enfants qui vaincra, mais leur qualité génétique et culturelle. C'est elle, ainsi que vos émissions et les témoignages d'auditeurs qui m'avaient convaincu que la résistance passe par la prise de responsabilité de fonder une famille. Alors ça, c'est absolument clair. Nous avons donc la joie de vous annoncer que nous venons d'apprendre que ma compagne porte une progéniture. Formidable, bravo, bravo. Que le cardinal pourra bénir. Une joie et bien des inquiétudes, vous vous en doutez. Cela passe par deux questions de base. Avez-vous une maternité blanche à conseiller à Metz? Compliqué ça. Par ailleurs, des auditeurs ou vous-même, connaissez-vous des villages encore préservés à ce stade en Moselle? Ah bah là, le message est passé. Amis d'Alsace ou de Moselle, enfin qui est familier du secteur. Voilà. Est-ce que vous connaissez des endroits préservés que nous puissions en informer, comment dirais-je, le chat blanc, hein, qui veut évidemment il va avoir bientôt un petit chaton, hein, blanc aussi, qui va arriver, et il veut l'élever en toute sécurité, c'est bien normal. Si vous avez des conseils à donner, s'il vous plaît, faites-les parvenir, ce sera avec grand plaisir qu'on pourrait lui donner. Évidemment, on ne trouve pas ces informations sur Internet. Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Encore que, il y a des cartes interactives sur l'insécurité, etc. Enfin, il y a des qui sont une indication. Donc, il y a toujours moyen d'un peu de savoir, mais voilà. En parlant de village, une dernière anecdote. En regardant une émission de recherche de maison, un couple métissé allait acquérir une maison ayant une histoire, ancien château ou abbaye, dans un village. Mais au dernier moment, je cite, « les propriétaires ont décidé de ne plus vendre leurs biens. Il reste de l'espoir. Merci de vos conseils et de vos analyses. Nous avons hâte de vous entendre. Portez-vous bien et continuez à résister. » Alors, donc c'est le chat blanc et donc sa compagne. On souhaite vraiment le meilleur. Bravo à vous. Excellent, extraordinaire. Vous allez voir, c'est une nouvelle vie qui commence. Vous ne serez pas déçus. Hein. Et là, je me retourne en fait vers Doctor, mais aussi vers Nogaret. Donc, alors, le chat blanc. Le chat blanc nous dit beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un élément en particulier sur lequel vous voulez tout d'abord réagir? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Alors, pour ma part, dans l'immédiat, là, par rapport au conseil qui demandait sur des secteurs relativement préservés, sur ce qui est de maternité, honnêtement, je ne saurais pas répondre. Après, pour le peu que je connaisse la Moselle, je lui dirais, s'il veut rester dans ce département, peut-être de se rapprocher de la frontière du Luxembourg. Et il me semble qu'il y a encore des villages assez préservés, notamment par le fait tout simplement qu'il y a t'as le luxe à côté, quoi. Donc tu as une sélection, on va dire, par le prix. Alors, faut pouvoir se permettre de payer un peu plus cher, bien sûr. Mais malheureusement, aujourd'hui en France, je crois que c'est un petit peu comme ça que ça marche, si tu veux avoir un minimum de garantie de tranquillité, quoi. L'argent, hein, c'est ça, hein. Bien sûr. Ouais, là, ça, c'est oui. Ça. Ouais, vas-y, Nogaré, bien sûr. J'allais dire, pour compléter ça, je sais que un indice aussi qu'on peut regarder, c'est sur les logements sociaux présents dans les communes. Alors, les logements sociaux, ça bénéficie aussi aux blancs, bien sûr, mais quand il y a un gros nombre de logements sociaux, ou à l'inverse, quand il y a un petit nombre, vous savez déjà que c'est une manière pour les communes de se protéger, comme la taxe foncière. Une taxe foncière haute, ça permet, alors souvent plutôt aux bourgeois qu'aux blancs spécifiquement, mais aux bourgeois de rester entre eux. Donc c'est des indices parfois, et sinon il faut se rendre sur place, mais c'est des indices qui peuvent être utilisés parfois pour avoir une idée un petit peu du secteur. Ouais. Moi je connais pas la Moselle, donc je suis pas en mesure de... Enfin, j'ai été à Metz, moi j'avais trouvé... La ville était belle, mais c'était pas si... Enfin, ça remonte, donc... Je pourrais pas répondre, mais je lance l'appel à nos auditeurs. Hein, si vous êtes familier de la région de la Moselle, informez-nous, ça sera toujours utile. Alors, une maternité blanche, ça me paraît compliqué parce que bon, aujourd'hui, c'est ce que c'est, quoi. Donc là, là aussi, je suis pas en mesure de répondre à ça. Oui, une famille nombreuse, c'est important parce que ça va vous... Enfin, non, d'abord déjà, il en faut un, deux, trois. La qualité, oui, la qualité, ça compte. La qualité, c'est aussi bien. Il faut pouvoir, mais bon, il faut se projeter dans l'avenir, il faut se donner, voilà, il faut se donner un but. Mais surtout, c'est vrai que pour élever ses enfants, il faut, dans un environnement comme la France, il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas dans de mauvaises écoles. Il faut limiter les influences néfastes. Enfin, il y a toute une série de choses à faire pour être très actif. Il faut clairement éviter, par exemple, déjà les téléphones portables. Hein, je veux dire, c'est déjà. Ça, c'est plus quand ils sont adolescents, mais c'est clair qu'il faut bloquer ça. Il faut veiller à ce qu'il y ait quand même un contrôle hein, sur ce à quoi sont exposés les gamins. Ensuite, c'est les zones où vous vivez. Bon, il faut évidemment pas être dans des zones multiraciales parce que c'est mauvais. Donc, il faut voilà. Voilà, il y a une espèce de surveillance à opérer pour s'assurer que la pollution culturelle, idéologique, évidemment ethnique, n'atteigne pas trop vos enfants. Donc là, il faut être assez actif, quoi. Il ne faut pas juste laisser les enfants à eux-mêmes. Il faut bien veiller à ça. Donc c'est bon, quand ils sont en bas âge, ça va. C'est plus quand ils grandissent, quoi. Quand on va devoir leur trouver une école, etc. Bon, je pense qu'il y a quand même des options raisonnables encore en Moselle, à mon avis, où on peut éviter le chaos racial, quoi, à ces enfants. Je pense que c'est tout à fait faisable. Le Luxembourg est à côté, donc il y a peut-être des opportunités professionnelles aussi au Luxembourg. Pour les futurs enfants, mais aussi peut-être même au niveau scolaire, d'accord. Pas hésiter à l'entrevoir. Voilà, quand vous avez des frontières, de toute façon, à côté de chez vous, faut essayer de l'exploiter. Hein. C'est, faut utiliser les avantages, faut faire jouer les avantages comparatifs, quoi. Faut pas être bêtement chauvin. je reste en France. Non, il faut faire jouer voilà, si Luxembourg. Ou l'Allemagne, enfin, offre sur quelque chose un avantage, faut pas hésiter à l'exploiter, quoi, je veux dire, puisque vous êtes pas très loin. Donc, voilà, il faut envisager tout ça, faut pas rester dans les frontières hexagonales, c'est ce que je veux dire, en fait. Enfin, encore une fois, quand vous êtes à proximité d'une frontière, j'entends. Donc, si vous êtes proche de la Suisse, si vous êtes proche de l'Italie, si vous êtes bon, la Belgique, c'est quand même bien sinistré, donc, mais vous comprenez l'idée, quoi, je veux dire, faut pas hésiter pour ces enfants à, s'il y a des opportunités juste à côté, aller leur offrir, quoi. Par exemple, c'est clair que si on est frontalier avec le Luxembourg et a fortiori non loin de l'Allemagne, bon, bah, il est plutôt indiqué, à mon avis, de s'assurer que ses enfants très tôt maîtrisent l'allemand. Vous voyez? De toute façon, ils parleront anglais. Hein. Donc, j'ai envie de dire, autant mettre allemand LV1 et anglais LV2, parce que l'anglais, ils vont le maîtriser de toute façon. Parce que c'est tellement commun que. Ils le maîtriseront. Donc, vaut mieux plutôt. Évidemment, c'est pas le problème immédiat du chat blanc. Hein. Mais quand on se projette, etc., il faut pas hésiter à intégrer ça. Donc, même dans ses calculs. Donc, plutôt que de le mettre bêtement, son gamin. Bon, là, c'est vrai que c'est plutôt collège. Je sais. Quoi qu'ils ont. Je crois que maintenant, l'enseignement commence plutôt de l'anglais, je crois. Mais plutôt que de le mettre bêtement en anglais LV1, bah, plutôt aller vers des langues qui sont pas trop apprises. Je vois que l'allemand, par exemple, en France, l'enseignement de l'allemand s'effondre complètement, quoi. Il y a une baisse très nette de l'enseignement de l'allemand. Bah, si vous n'êtes pas loin de l'Allemagne, vous allez encourager vos... Moi, je pense, en tout cas, qu'il faudrait encourager ces gamins à le faire. Et puis, il y a d'autres choses aussi, à mon avis, à cultiver. C'est l'enseignement du latin. Ça devient difficile à trouver, ça, mais... Tout ça sont des manières, des stratégies pour justifier ensuite des entrées dans des établissements qui ne sont pas ouverts à tout le monde. Ok. Vous avez des classes européennes aussi, ça c'est un autre exemple. Vous connaissez les classes européennes, il y a une partie de l'enseignement qui est fait en anglais ou dans d'autres langues d'ailleurs. L'air de rien, ça fait du tri. Donc vous n'allez pas avoir des babouins dans les classes, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est plutôt dans un deuxième temps, parce que là on est plutôt sorti du collège vers le lycée, donc bon, le chat blanc a de quoi voir venir, mais il faut quand même assez tôt l'intégrer, quoi. Hein, voilà. Moi, c'est ce que je pense. Je parlais du latin, bah, c'est ça. Après, vous pouvez justifier comme ça, vous voulez suivre un cursus en latin, etc. Donc, s'il a déjà fait une année, machin. Bon, bah après, si vous avez un dossier à monter, vous êtes déjà plus crédible et vous pouvez éventuellement aller vers un établissement qui va proposer. Ça fera une sélection, vous voyez. Quand vous ajoutez comme ça, bout à bout, les choses, vous évitez à vos gamins de se retrouver dans des environnements sinistrés, quoi. Mais de toute façon, il faut... Moi, je vous le dis, hein. Il faut mettre le paquet sur l'éducation de ses gosses. Les juifs le font absolument, très tôt, parce que bon, ils ont bien des défauts, mais s'ils arrivent à s'infiltrer, à manipuler, etc., c'est qu'ils se donnent quand même les moyens d'atteindre des objectifs. Et très tôt, les enfants juifs sont appelés à lire par leurs parents, etc. Il y a un très gros effort d'éducation, d'accord. Et il n'y a pas de mystère, quand vous êtes dans une société multiraciale comme la société française, enfin, a fortiori, c'est le capital cognitif qui va faire la différence, c'est le QI qui va faire la différence. Déjà, de base, mais si en plus vous stimulez le QI de votre enfant, vous pouvez le mettre très à l'abri assez vite, vous comprenez? pas rester passif quoi avec ces gamins. Donc il faut faire un gros effort sur l'éducation de ses enfants, l'instruction de ses enfants. Faire un gros effort. Ouais. Quitte à se priver un peu sur d'autres trucs. Hein. Je veux dire, par exemple, bon, les gens aiment bien aller en vacances, mais je veux dire, si vous vous privez de vacances et que vous pouvez payer à votre gamin peut-être des cours privés qui vont l'aider à réussir son parcours scolaire, ben moi pour moi c'est préférable d'investir dans un suivi particulier comme ça. C'est un exemple, mais c'est aux gens, les gens doivent enfin, je pense que ça paraît évident maintenant, vu la situation démographique et raciale. Donc, on est quand même dans une logique de survie. On voit bien que l'éducation nationale, entre guillemets, essaye de tirer le niveau vers le bas pour être au niveau, en fait, des bouègres. Et c'est à vous de trouver les parades. Hein. Donc, ça peut être aussi par l'école privée, même si sous contrat, c'est pas terrible, mais c'est toujours un peu mieux. Et puis, en ajoutant des cartes à l'arc de votre enfant, en fait. Voilà. Donc, il faut mettre le paquet sur l'éducation de vos gosses. Il faut y consacrer du temps et de l'argent. Hein, il n'y a pas de mystère, quoi. Et là, vous avez moyen d'éviter à vos gamins de... Et puis, par exemple, il faut absolument leur interdire d'écouter du rap ou des trucs comme ça. Il faut être brutal, quoi. Hein. Il faut dire, non, c'est niet, c'est pas possible. Mais pas juste leur interdire. Ensuite, il faut leur proposer autre chose à côté. Il faut pas non plus être juste dans l'interdiction. Il faut être dans la proposition de quelque chose d'alternatif, voilà, de beau et de stimulant. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais dire. Quoi. De toute façon, il faut mettre le paquet sur l'éducation de ces gamins et s'assurer à ce qu'ils ne soient pas dans un environnement... Il y a quand même des solutions, je veux dire, en France, il y a quand même des solutions. Enfin, tout n'est pas... même si c'est problématique, souvent, il y a des alternatives, comme je veux dire. Mais Gandalf, je suis tout à fait d'accord avec toi, comme ça ne t'étonnera pas. Et effectivement, je pense que de toute façon, il y a une boussole bien pratique, c'est de voir qu'est-ce qu'on promeut aux gens et qu'est-ce qu'on leur interdit. On leur interdit de se communautariser, on leur interdit justement de jouer de la carte scolaire ou quoi que ce soit, de donner une bonne éducation, comme tu l'as dit, aux enfants. Eh bien, il faut absolument le faire. On promeut le rap, il faut absolument ne pas leur donner accès à ça, puisque c'est... Enfin, on l'a développé plusieurs fois, donc je vais pas y revenir, mais voilà, ce n'est pas une culture propre aux Européens. Et de manière générale, voilà, c'est ce que font, comme tu l'as esquissé tout à l'heure, ce que font les Juifs pour leurs propres enfants, pour leur propre communauté. Ils nous forcent d'une certaine manière à devenir comme ça, même s'ils nous l'interdisent. Et je pense que ça rejoint un petit peu les questions qu'a pu poser l'auditeur, justement sur les Juifs qui seraient dépassés par leur projet. Alors je dirais oui et non. Peut-être dans certains cas minoritaires, mais non, parce qu'il ne faut pas oublier que ces populations sont apatrides. Elles sont attachées à leur propre communauté, à part le cas des sionistes qu'on pourrait discuter, mais sinon elles sont attachées à leur propre communauté plus qu'à leur propre terre, comme les Blancs peuvent l'être. Donc finalement, quand ça chauffera trop, eux pourront partir ailleurs, se retrouver ailleurs, vendre le même projet qu'ils vendaient en France, etc. On les a expulsés au Moyen-Âge de 109, enfin de 109 fois, même plus je crois, ou 109 pays, je ne sais plus. Ouais, on les compte plus de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Ce n'est pas pour rien, en fait, quand on vous dit oui, non, mais c'est très instructif. Il y avait un documentaire de Arte qui était sur l'antisémitisme depuis l'Antiquité au Moyen-Âge. Et c'était très instructif parce que c'est toujours les mêmes causes, mais ils sont toujours innocents. C'est assez incroyable à voir, mais bah on verra de toute façon comment ça se passe en France. Mais bon, la situation en France, elle ne sort pas de nulle part. On le développe souvent chaque semaine. Donc, pour répondre justement à cette question de l'auditeur qui fait écho aussi à sa situation actuelle, comment va évoluer la France, bah on l'a toujours dit, faut sortir des métropoles et des grandes villes. Il faut avoir une solution de repli, puisque là, on est sur le fil du couteau algérien. Si je puis dire, c'est toujours de pire en pire. Hein. On va pouvoir le développer plus en amont, plus en profondeur, pardon, lors de nos autres discussions de cette semaine. Mais voilà, la logique est toujours la même. Faites des enfants, éduquez-les bien, protégez-les en les mettant dans des zones non sinistrées. Et déjà, ce sera une belle avancée pour notre propre communauté. Ouais, mais bien sûr. Après, faut voir les options, pas en bas âge, mais les options, enfin les écoles disponibles. En général, le hors contrat, c'est du catholique, Oui. traditionnaliste, hein, voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'école hors contrat néo-païenne, par exemple, ça n'existe pas. Mais ce serait peut-être quelque chose à creuser, je sais pas. Mais ouais, il y a le hors contrat. Ou même sous contrat. Le problème, c'est qu'avec le sous contrat, vous avez toute la propagande qui vient avec, quoi. Dans le cursus général du gouvernement français. De toute façon, ils veulent détruire le hors contrat, hein. C'est évident, hein. Je veux dire, là, justement, avec le babouin, comment dirais-je, Ndiaye, là, qui a été dégagé, mais pendant un an, le babouin, là, il a mis la pression à l'enseignement privé hors contrat, hein. Il y a eu beaucoup de contrôles très, très agressifs, etc. On sentait bien la haine de la juiverie. Je rappelle que Ndiaye est marié à une juive, hein. Enfin, ça vient des États-Unis aussi, enfin des États-Unis entre guillemets, enfin ça vient de la juiverie américaine. Et voilà, donc il s'est fait dégager. Maintenant, on a Attal. Bon, bah vous imaginez bien que ça va pas se passer mieux, hein. Je veux dire, Attal, bon, bah c'est marqué dessus. Il est juif et homosexuel. Bon, évidemment franc-maçon, mais ça fait partie du lot. Bon, vous imaginez bien que ça, voilà. Mais c'est pas un ministre qui fait vraiment la politique d'un ministère comme le ministère de l'Éducation. Il peut faire un peu de zèle, mais voilà. Donc voilà. Bon, de toute façon, je vais pas revenir sur l'éducation en général. Tout le monde a une idée à peu près nette de ce qui s'y passe. D'où l'importance d'ailleurs d'avoir du soutien scolaire, quoi, avec des profs particuliers et quitte à mettre de l'argent, quoi. Je veux dire, pour s'assurer quand même que les savoirs fondamentaux sont transmis. Enfin, sauf si les parents ont du temps pour faire eux-mêmes du suivi, je veux dire. Mais en dehors de ça, si vous pouvez pas vous-même, c'est sûr qu'il vaut mieux investir dans un suivi personnalisé. Après, faut voir les écoles, etc. Parce que bon, moi, je sais pas exactement dans quelle disposition. Est-ce qu'ils arrivent encore, est-ce qu'on leur apprend encore à compter ou quoi, je sais pas. Mais ouais, c'est sûr. Mais donc il y a ça, et puis il y a la sécurité physique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans les zones proches des halogènes, hein, parce que c'est trop dangereux, quoi. Il ne faut vraiment pas être près de ces gens. Donc effectivement, il faut opter pour des villes. Même s'il faut rouler un peu plus, voyez, c'est. Voilà, mais il ne faut pas être près de ces gens-là. D'abord, ils sont laids, ensuite ils sont toxiques. Il n'y a rien qui va avec eux, voilà, il faut pas être près de ça. Bon, moi, je savais que Metz c'était dans cet état-là. Mulhouse aussi, je sais que c'est pas terrible non plus. Bon, Mulhouse, c'est bon, là, on n'est pas en Moselle, hein, mais je veux dire, globalement, les grandes villes là-bas sont un peu comme ailleurs, elles sont touchées. Après, dans la campagne, il y a des solutions, quoi. Voilà, il faut trouver le bon compromis, hein. Pas être trop loin de tout, mais en même temps. Pas trop près de tout, parce que quand on est trop près de tout, hein, qu'est-ce qu'il y a quand on est trop près de tout? Il y a des nègres et des arabes, voilà, des turcs, des voilés, voilà, il y a la diversité républicaine. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Tout ce qu'elle Oui, dit. bon, Vas-y, ouais. un petit point que je voulais relever dans le courrier de l'auditeur, c'est quand il dit que sa compagne n'est pas forcément convaincue que la quantité d'enfants blancs vaincra, et qu'il parle plutôt de qualité. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, dans la mesure où, même si vous avez des enfants de très bonne qualité, hein, si je peux parler comme ça, si vous avez une haute qualité, mais que vous êtes entouré de nègres, en fait, vous n'allez pas aller très loin. Je pense quand même qu'il y a vraiment un souci de quantité quand même à régler. Ouais. Il faut quand même faire des gosses parce que dans tous les cas, voilà, si vous êtes à un contre 100, vous aurez beau avoir toutes les qualités du monde, il y a un moment, vous pouvez pas, vous pouvez pas faire plus que vos capacités non plus, quoi. Vous pouvez pas faire de miracle. Bien sûr. Et en sachant aussi que même un enfant, enfin un blanc même de mauvaise qualité, hein, entre guillemets, sera toujours de meilleure qualité que n'importe quel nègre, en fait. Hein, Donc je pense que vraiment la bataille démographique est vraiment primordiale. Et je pense quand même la quantité doit venir avant. Hein. Enfin, c'est que mon avis, après je sais pas ce que vous en pensez, mais. Bah, avec les blancs, la quantité est inscrite dans le, dans, dans, dans, dans le, dans, dans, dans la génétique. Donc, si vous voulez, la qualité, elle est là. Simplement, ce qu'il faut savoir faire, c'est la stimuler, c'est l'éveiller, la mettre en mouvement. Faut pas juste faire des enfants et ensuite vous en occupez pas trop, quoi. Il y a un vrai travail d'éducation à faire. Il faut les stimuler. Il faut bien évidemment qu'ils soient conscients des enjeux raciaux très tôt, qu'ils comprennent bien qu'il y a une réalité raciale. Donc, il y a pas d'égalité, ça n'existe pas. Qu'il y a des groupes raciaux hostiles, parce que ça va développer voilà, vous allez stimuler les logiques de survie et de protection. Hein. Si vous dites, si vous enseignez à vos gamins et des agneaux, ils vont se faire dévorer par des loups. Si vous enseignez à vos enfants d'être des loups, c'est eux qui vont aller dévorer les agneaux, vous comprenez? C'est dans cette logique qu'il faut être. Voyez? Donc si vous apprenez à vos gamins d'être sans défense face à des loups, ils vont se faire croquer tout cru. Alors que si vous leur apprenez à être constamment sur la défensive avec ces gens-là, bon bah déjà, si vous voulez, ils seront en alerte. Vous voyez, ils auront ce réflexe d'alerte, donc ils éviteront d'eux-mêmes d'aller dans des zones halogènes, etc. C'est souvent en fait un défaut d'éducation. D'accord? On stimule pas les réflexes de survie, on n'apprend pas les signaux de danger. Donc voilà, quand on rentre dans une zone dangereuse, qui sont les profils ethniques des personnes à problème, etc. Voilà. Alors après il y a l'autodéfense. Bon là ça va trop vite parce que le chat blanc, son enfant est pas né, donc on n'est pas encore. Voilà. Mais c'est vrai que quand on a des jeunes adolescents, il faut, enfin même un petit peu avant, faut déjà les, je pense, faut déjà les mettre dans des cours. Ça fait pas des miracles, attention. Mais que le mec, enfin que votre gamin, il soit capable de coller une droite propre et nette à quelqu'un qui pourrait le prendre à partie. Ceci étant dit, si on sait coller une droite, bon, si un mec face à vous, il a un couteau, c'est problématique. Donc voilà, donc il faut quand même apprendre ça aux gamins, parce qu'on est dans un environnement qui est complètement différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a 50 ans. D'accord? On est dans un environnement dangereux maintenant. C'est dangereux. Sécuritairement, c'est dangereux. Les flics vont pas vous sauver. Je pense que c'est clair. Maintenant, tout le monde l'a intégré. Voilà. Au mieux, vous appelez les flics, ils arrivent une heure après pour constater qu'il s'est passé un truc. Mais c'est pas eux qui vont vous sauver. Or, on a dans cette grande entreprise de domestication qu'on a connue pendant environ près de 2 siècles, les gens pensaient que la police allait résoudre tous les problèmes. Bon, bah maintenant, on constate que non, en fait. Non, non, vous êtes quand même livré à vous-même. Donc, vos gamins, assez tôt, doivent savoir qu'il y a une menace, il y a des dangers, il y a des zones à éviter, etc. C'est à eux en fait, de les aider à se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour pas être exposés. Voilà. Et ça, voilà, ça s'enseigne, hein. Ça s'enseigne, hein, d'être dans cette logique de survie-là. Hein. Voilà. Hein. Mais si on les laisse comme ça, parce que beaucoup de gens font ça, hein, ils les laissent sans éducation, entre guillemets, éducation à tous ces problèmes-là, je veux dire. Bah, les gamins, ils découvrent par eux-mêmes sur le tard, voyez, par exemple, ils vont être, je sais pas, ils vont aller en boîte de nuit, ils vont se faire prendre à partie par une bande de nègres ou une bande d'arabes, et ça peut vraiment dégénérer. Bon, c'est aussi aux parents de savoir expliquer en quoi il y a danger quand il y a bande de nègres ou bande d'arabes. Voilà. C'est tout ça, ça s'enseigne en fait. C'est des logiques de survie et ça s'enseigne, quoi. Voilà. Donc évidemment, alors évidemment, les enfants en bas âge, encore que même en bas âge, on peut déjà leur dire, voilà, tu vois, il y a des noirs, ils sont pas comme les autres, t'as remarqué? Tu vois? Ouais, pas bien, tu vois? Pas bien. Je suis désolé, mais il faut très tôt mettre les gamins en alerte, hein, sur le danger racial et la menace. Hein. Ouais. Bah voilà pour moi, pour ce courrier. Quelqu'un d'autre, quelque chose? Simplement, rapidement, je vais pas forcément rebondir sur les détails, enfin sur le détail de la question de la démographie, puisque c'est une discussion assez complexe qu'on pourrait avoir sur une émission entière une prochaine fois, mais je pense que dans tous les cas, faut pas non plus se mettre trop de barrières en disant il faut que mon gamin soit comme ci, comme ça, etc. Déjà, si vous faites des gosses et que vous leur inculquez des valeurs, Ce sera déjà beaucoup mieux que beaucoup de familles blanches standards. Donc voilà, allez-y, vous prenez pas trop la tête non plus, et puis ce Oui, sera ça déjà prend bien. sur le tas. Hein. Ça, de toute façon, C'est ça. l'auditeur, il découvrira par lui-même que, en fait, il y a plein de questions qui vont se poser au fur et à mesure du temps. Et après, voilà, il faut faire au mieux, tout simplement. Et après, c'est la providence qui fera les choses, quoi. Absolument. Rubrique numéro 2, Éternaigrerie. On va renouer avec la culture française. Vous connaissez le Festival Avignon ou pas? Bah, je pense que oui, quand même. Hein? Ouais? Vous aimez le Un théâtre? petit peu, oui. Vous aimez le théâtre? Rapidement, après, on sait que c'est une grande sauterie juive avant tout. Ah oui, c'est une grande sottise. Oui, tout à fait. Donc, alors, c'est quoi le principe du Festival d'Avignon? Hein? Eh ben, c'est que tous les théâtreux de la place de Paris vont à Avignon. Pourquoi ils vont à Avignon? Bah, parce qu'il fait beau, il fait chaud. C'est dans le sud de la France, c'est pas très loin de la Méditerranée, pas très loin de Saint-Tropez. Donc pendant les vacances, on peut aller faire semblant de faire de l'art là-bas, hein, n'est-ce pas? Donc dans la fameuse Cité des Papes, extraordinairement bougnoulisée d'ailleurs la ville d'Avignon. Je sais pas si vous le saviez. Donc on est très loin de la papauté médiévale, hein, c'est le passé, hein, c'est plus du tout ça. Et alors, il y a une transhumance comme ça. Juive, hein, voilà, pour l'essentiel. Et donc, on a vraiment tous les théâtreux quoi, qui viennent là-bas. Voilà, enfin, c'est. Alors, il faut savoir un truc, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est financé à hauteur de 13 millions d'euros par an par l'État français, via le ministère de la Culture, le Festival d'Avignon. Hein. 13 millions d'euros, c'est un des festivals français le plus subventionné, et de très loin. Et le truc qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de résultat face à cette subvention. Autrement dit, il n'y a pas d'obligation de succès populaire, de faire venir le public. Voilà, il n'y a pas d'obligation d'efficacité, etc. Pas du tout. Voilà, ils ont 13 millions d'euros et ils font ce qu'ils veulent. Donc s'il y a trois pelés dans les rangs, ça change rien. Ils touchent quand même. Voilà. Alors, calculer 13 millions d'euros sur 10 ans, 10 ans de Festival d'Avignon, c'est quand même 130 millions d'euros quand même, hein. Ça, je vous laisse mesurer ce que ça représente. Vous en faites comme ça pendant 50 ans, ça vous fait un demi-milliard d'euros. Juste pour que des mecs fassent du théâtre, hein, voilà, sans public pratiquement. Et évidemment, c'est le festival juif par excellence, parce que là, vous avez tous les délires de la gauche cultureuse la plus folle qui s'étale et payé par l'État. C'est-à-dire que c'est. C'est pas juste des mecs qui viennent s'amuser, ils sont payés pour ça. Et alors, bah, forcément, hein, ça devait finir par évoluer vers le wokisme, hein, on devait forcément y arriver, et on y est, puisque vous allez découvrir ça, une théâtreuse noire. Donc, fait une performance au Festival d'Avignon, et alors c'est très très anti-blanc en fait. C'est très très anti-blanc. C'est notre dernier jour à Avignon et nous ne pouvions pas vous quitter sans vous présenter un spectacle de la sélection officielle. Il s'agit de Carte Noire nommée Désir, une performance qui bouscule et interroge sur nos préjugés de l'Isarienne Rebecca Chaillon. Le blanc qui recouvre son corps, l'artiste le fera disparaître dès le début du spectacle. La prise de conscience de sa couleur, Rebecca Chaillon, originaire de Voisinlieu dans l'Oise, en a fait le point de départ de son œuvre. Le fait de grandir dans un endroit majoritairement blanc, ça a retardé, je pense, ma prise de conscience de femme noire. Je pense aussi qu'il y a eu pas mal de questions de est-ce que je suis désirable dans cette population-là, désirable à tous les niveaux, que ce soit en amitié, en amour, mais aussi dans le monde du travail, de l'éducation, tout ça. Ce désir est donc au cœur de la performance de Rebecca Chaillon, celui fantasmé pour la femme noire. Mais aussi celui des femmes qui l'accompagnent. Millionnaire, pour vie à deux, mariage, enfant, la totale. Ou homme blanc soumis uniquement pour formatage et réparation. Carte noire nommée Désir, jeu de mots autour de la carte blanche et du café, comme un symbole. cette image un peu forte qu'est le café noir, qu'on va toujours être obligé de diluer avec du blanc pour qu'il puisse s'intégrer, et aussi de sucrer pour qu'il soit plus agréable parce qu'il serait trop brut, trop sauvage. Un spectacle performatif de 2h45 où ces 8 femmes nous jettent nos préjugés au visage. Je rêvais d'être girafe leucistique, sans tache et sans reproche et sans couleur. Ce qui différencie la performance du théâtre, c'est que là, on travaille à partir de nos intimes, de nos propres expériences personnelles. Donc on n'est pas du tout dans de la fiction. Et la performance aussi met en jeu des vraies actions qui sont exécutées dans leur temps réel. C'est ça. Derrière le plateau, les femmes noires et métisses afro-descendantes sont invitées à prendre place. Un espace privilégié pour celles qui le sont souvent moins. En tout cas, je sens que ça fait plaisir à plusieurs personnes qui me ressemblent à plein d'égards, parce qu'elles ne se sentent pas à leur place, parce qu'elles se sentent en marge, parce qu'elles ne se sentent pas écoutées, et pour des questions variées, que ce soit de race sociale, de classe sociale, de sexualité ou de genre. Alors j'ai dit tous les gros mots à la suite, mais en même temps c'est les choses qui nous portent beaucoup. Donc oui, je me sens un petit peu responsable de créer des spectacles et des espaces où ces personnes-là se sentent invitées, vraiment. Alors... Et donc, c'est une performance assez extraordinaire. Donc, il faut savoir que cette créature noire est obèse. Hein. Elle s'appelle Rebecca Chaillon. Donc, pourtant, elle a un nom juif hein, et un nom français, un prénom juif et un nom français. Donc, tout aurait dû bien se passer, hein, si j'en crois Éric Zemmour. Et non. Donc elle est extrêmement obèse, donc on est au contact de la culture française de 2023 à Avignon, et alors les réactions à sa performance sont assez mitigées. Alors, il faut savoir que sur scène on la voit se balader avec des bébés blancs sur des broches, hein, donc il y a des bébés blancs qui sont empalés sur une broche et... cette négresse obèse se balade sur scène avec ses bébés blancs donc embrochés. Et alors évidemment c'est censé être un message machin. Alors non, c'est du premier degré hein. Pour ceux qui comprendraient pas. Non, c'est du premier. Les nègres n'ont pas de sens du second degré hein. C'est du premier degré hein. Là, totalement. Hein. Quand vous voyez une négresse obèse qui vocifère contre les blancs et qui se balade sur une scène avec des bébés blancs embrochés, il faut le prendre exactement comme vous le voyez, c'est-à-dire que c'est du littéral, hein. c'est du sens propre, hein. Y a pas de sens caché. Hein. Alors les réactions sont assez mitigées, comme je le disais, et alors évidemment, et le directeur du Festival d'Avignon, donc encore un machin comme vous allez le voir d'ailleurs, est très en colère hein, contre les fascistes. Alors, ce mardi 25 juillet, les organisateurs du Festival d'Avignon ont dénoncé des agressions verbales et physiques à caractère raciste à l'encontre des interprètes du spectacle « Carte noire nommée Désir » de Rebecca Chaillon. Il faut savoir que c'est elle qui est agressée, en fait. Hein. C'est pas elle qui nous agresse en exposant des messages ouvertement génocidaires contre les Blancs. C'est elle qui est agressée. Donc, selon la compagnie Dans le Ventre et le Festival, bon, bref, des spectateurs s'en sont pris à plusieurs reprises aux performeuses dans le gymnase du lycée Aubanel où est joué le spectacle, mais aussi à l'extérieur dans les rues d'Avignon. Rebecca Chaillon, la metteuse en scène de 37 ans, travaille le rapport au corps. Oui, on a vu ça, oui. Les identités et les questions décoloniales. Elle a monté Carte noire nommée Désir en 2021 à Nancy. Un spectacle théâtral et performatif, selon le Festival d'Avignon. Je cite, qui pose la question de la place des femmes afro-descendantes dans la société française. Alors des négresses, en fait, ils arrivent pas à... Vous savez, c'est constamment des euphémismes. Afro-descendant, truc. Mais non, c'est une négresse, c'est simple à dire. Je comprends pas. Voilà, c'est la place des négresses dans la société française. Alors vu la place... Oui, alors, elles en prennent beaucoup de la place, parce que vu le quintal qui se balade sur scène, là, c'est envahissant, effectivement. Alors, pendant 2h45, putain, 2h45, 8 femmes noires performent pour pointer du doigt, entre autres, les stéréotypes et fantasmes que les blancs portent sur les corps noirs. Non, mais putain... Je me calme. Donc, selon la compagnie dans le ventre. Putain, mais qui appelle une compagnie? Ils sont fous, quoi. Alors, que nous avons contacté? Des violences ont eu lieu lors de 3 représentations sur 5. Notez le mot, hein, des violences, hein. Donc, on s'attend à des gens qui en viennent aux mains, hein, du coup. Lors du Festival d'Avignon, un soir, des doigts d'honneur ont été adressés de la part du public lorsque les comédiennes ont parlé de violences policières. Une autre fois, la phrase « On est chez nous » a résonné dans la salle. Lors de l'avant-dernière représentation, lundi 24 juillet, un spectateur a frappé l'une des interprètes pendant un jeu de mime à la fin du spectacle. Bon, alors là, je suis extrêmement sceptique. La compagnie précise que cette partie du spectacle est encadrée. Il y a un protocole. Avant de commencer, les lumières s'allument et le public est prévenu de ce qui va suivre, que ce qui va suivre est un jeu. Grâce aux mimes, les performeuses essayent de faire deviner des mots au public. Pour faire deviner le mot colonisation, les performeuses prennent des sacs des spectateurs dans le public. C'est là qu'un spectateur blanc, notez, France Bleu, il précise la race des gens. Donc un spectateur blanc a frappé l'une des performeuses. En fait, le mec a cru qu'il se faisait dépouiller, en fait. Thiago Rodriguez, putain, un pépito rouge. Le directeur du festival se dit choqué par ces agressions à caractère raciste. Alors, dans l'article de France Bleu, agression à caractère raciste, ils ont mis à caractère raciste au pluriel, quand même, faut le faire. Donc, je sais pas quel pigiste gauchiste ils ont recruté, mais bon. Selon lui, des gestes violents et racistes ne sont pas acceptables au Festival d'Avignon et ce comportement ne représente pas le public du festival. Il assure que le festival a tout de suite exprimé sa solidarité à cette compagnie et travaillé pour créer un climat de sécurité et de sérénité pour que le spectacle se présente. Un spectacle que Thiago Rodriguez défend d'ailleurs avec fierté. Il s'inscrit dans le passé, le présent et l'avenir du code génétique du Festival d'Avignon. Oh là là là là. Bon, alors, bien, messieurs. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a beaucoup de choses à dire hein, dans ce que tu viens d'évoquer. Déjà, voilà, c'est toujours ce genre de choses qui permet de se dire que il faut supprimer le ministère de la Culture, le supprimer totalement. Hein, oui. C'est fini, plus de financement, etc. Oui. Parce que quand on voit ça avec les propos qui peuvent être tenus, etc., on se dit il y a un problème, ces gens ne sont pas dans la même réalité que nous. Ils nous parlent de soi-disant d'une représentation du réel, mais sincèrement, qui s'intéresse aux femmes noires? Même les hommes noirs ne s'y intéressent pas, c'est ce que montrent toutes les statistiques de sites de rencontres, c'est les femmes les moins sollicitées. Personne n'aime ça, elles sont moches, elles sont disgracieuses, et quand on voit un tonneau d'huile comme celle qui a monté sa scène là, personne ne veut de ça, personne n'en veut. Alors, toujours pareil, hein, je leur proposerai, on va régler le problème, cassez-vous, barrez-vous de chez nous, vous n'avez rien à faire ici, repartez, vous poserez plus la question de notre regard sur vous, en fait, parce qu'on veut pas vous regarder, les blancs... Oui, c'est eux qui envahissent, oui. Oui, c'est eux qui envahissent notre champ visuel, c'est pas l'inverse, hein. C'est eux qui viennent chez nous squatter, étaler leurs immondes faciès, leurs narines. Et on leur demande rien, et ensuite ils sont en train de nous agresser. Bon, écoutez, faut arrêter. Et deuxièmement, est-ce qu'elle a demandé l'origine de l'argent qui la paye? Parce que c'est de l'argent blanc, ça. Ah oui, mais... Bon, ils ont déjà la carte. Oui, non, mais ça, c'est de la... Oui. C'est un juste retour des choses, parce que vous avez pillé l'Afrique. On a compris. Exact. Ah oui, non, mais c'est pour ça, mais... Bon, peut-être, on va essayer de se concentrer sur le positif, hein, c'est que bah t'as voilà, on a réussi à trouver du positif quand même. Oui. Bon, déjà, ça permet de voir, enfin, ça permet aux blancs qui ne sont pas des semi-habiles de gauche de comprendre que le projet, quand on veut embrocher des bébés blancs au-delà d'une recette de cuisine locale, c'est plutôt un projet qui a pour but de s'attaquer aux blancs frontalement. Bon. Les semi-habiles de gauche ne le comprendront pas et ils étaleront leur pseudo-culture pour expliquer que c'est dans le je ne sais quoi, de l'art contemporain, etc. Mais tout le monde comprend ça. D'ailleurs, pour que le public commence à se révolter, à leur faire des doigts, à dire on est chez nous, ou voir une espèce de guenon leur voler leur sac et se dire ça, j'en ai marre, je lui mets un coup de parapluie, sinon je retrouverai pas mon pognon, c'est qu'il y a un peu de positif. Et l'autre chose vraiment positive, là-dessus, c'est que on voit que cette personne, cette Rebecca Cheillon, comme tu l'as dit, a dit qu'elle a été élevée dans un milieu blanc et qu'elle a pris conscience de sa race, etc. C'est que c'est toujours dans la logique de séparation, c'est-à-dire le vinaigre, nègre et l'huile. Même quand ils sont élevés dans un milieu blanc, ils comprennent qu'ils ne sont pas blancs et ils veulent se séparer de nous. Les gauchistes ne le comprennent pas, donc eux, ils applaudissent comme des ânes à ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle appelle ? Elle appelle à se séparer des blancs, se séparer des blancs, se séparer d'eux, mais pas de leur argent. Mais elle appelle ni à leur séparer. Pays d'ailleurs. Hein. Exactement. Ça, c'est pas le projet. Donc bon, ça, disons. Il y aura toujours les gauchistes qui fermeront les yeux là-dessus, mais je pense que des gens à peu près normaux, à peu près constitués avec une pensée qui résonne, etc., vont commencer à se dire « c'est quand même bizarre et ça commence à devenir troublant, ces gens qui nous agressent jusqu'à chez nous et qui nous disent qu'en plus de nous agresser, bah, c'est de notre faute parce qu'on les regarde bizarrement ». Bah oui, là c'est une agression. Enfin, là c'est un discours raciste, anti-blanc. D'accord, c'est un discours de haine raciale contre les Blancs, chez eux, dans leur pays, avec des images génocidaires. Parce que, évidemment, c'est même pas des Blancs qui sont assassinés, c'est des bébés Blancs. Donc, quand on va vers les bébés, c'est la perpétuation de la race blanche. Donc, c'est même pas uniquement... le problème n'est pas uniquement les Blancs, c'est même le fait qu'ils puissent continuer à se perpétuer comme race. Donc c'est pour ça qu'on vise les bébés blancs. Alors évidemment, non, mais vous n'avez pas compris, on a très bien compris le message, merci, ça va. Et en fait, le problème qu'ils ont, c'est que... Alors il y a quelques gauchistes qui vont voir ça, mais là ça commence à coincer. C'est-à-dire que quand tu es chez le blanc, que tu bouffes grâce au blanc et que ton public est blanc, au bout d'un moment, voir une grosse négresse faire un gros caca sur scène en te crachant dessus, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Hein, ça va un peu coincer au bout d'un moment. Donc tout ça, c'est la subventionnite étatique d'Emmanuel Macron, de évidemment François Hollande, avant ça Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac et bien évidemment François Mitterrand qui a théorisé tout ça. Avec cet affreux ministère qui est le ministère de la culture, plus exactement de la sauvagerie, et qui permet à des tas de parasites, de marginaux et d'éléments antisociaux de vivre du poison et des toxines qu'ils émettent en permanence, que ce soit des gauchistes blancs, que ce soit des juifs, ou que ce soit des halogènes comme c'est le cas ici. Donc voilà, donc en fait, les intermittents du spectacle, il est temps de les euthanasier professionnellement. Il faut que ça s'arrête maintenant. Voilà. On peut économiser comme ça d'emblée 10 milliards d'euros. Ça fait quand même une belle somme hein, chaque année. Et on ne s'en porterait pas plus mal. Hein. Parce que ce qu'ils appellent la culture, c'est de la merde en barre systématiquement. Hein. Je veux dire, vous regardez les commandes d'État public, c'est systématiquement de la merde. Je veux dire que ce soit dans les sculptures. Les arts aujourd'hui en France, qu'est-ce que ça donne ? C'est catastrophique. Donc moi je sais pas, mais bizarrement, depuis qu'il y a un ministère de la culture, le niveau de la culture se casse la gueule. C'est étonnant, non ? Bah voilà, je pense qu'au bout d'un moment, il faut... Voilà, bon. Mais c'est assez symptomatique, hein, voilà. Mais ils peuvent... S'il n'y avait pas d'argent blanc, cette grosse négresse, elle travaillerait à McDonald's. Hein. C'est tout, hein. Je veux dire, c'est ni plus ni moins que ça. Hein. Voilà, donc... alors évidemment, elle est protégée par une espèce de crasseux de gauchiste espagnol ou portugais, je sais pas d'où il vient ce machin là, voilà, qui encore probablement un réchappé de la guerre d'Espagne là, un espagnol rouge là encore une fois, qui vient répandre sa merde encore une fois. Donc c'est toujours le même histoire quoi, voilà. Mais bon, c'était assez drôle de voir cette grosse négresse étaler ses horribles mamelles. Enfin, c'est vraiment quoi. Voilà. Alors la France, toujours plus bas vers l'Afrique, hein, toujours plus bas vers l'Afrique. Ouais. Voilà. On sort des émeutes raciales quand même de début juillet. Hein. C'est apparemment c'est oublié par tout le monde. Hein. C'est, tu vois, t'as des grosses négresses qui appellent à génocider les blancs 3 semaines après une insurrection raciale généralisée. Et t'as des gauchistes blancs qui sont nourris par ce système, qui ont encore le front de réagir, hein, comme ce machin-là du Festival d'Avignon, ou des médias d'État payés par le denier public qui nous font des tracts d'extrême-gauche, comme c'est le cas de France Bleu. Là. Donc ça va, hein, tout se passe bien. Bon. Mais d'ailleurs, sur France Bleu, faut aussi noter que si on supprime le ministère de la Culture, c'est les aides à la presse qui sautent aussi. Donc double intérêt de supprimer ce ministère. Ah bah oui, non, les aides à la presse, c'est tout à fait massif aussi. Hein. Absolument énorme. Hein. Et dernier point, pour ma part, je dirais que j'ai pu entendre les années passant que les blancs avaient un problème avec leurs femmes, etc. Visiblement, il n'y a pas que les blancs qui ont un problème pour tenir leurs femmes, on va dire. Il faudrait que les noirs se penchent sur le cas de leurs femelles, dans le cas présent. Bah oui, de leur guenon, oui. Comment dire, Doc, éventuellement, là-dessus, une réaction? Oui, moi je m'interroge quand même sur la véracité de ces prétendues agressions. Oui. Ça me paraît bizarre quand même parce que il n'y a pas vraiment d'éléments très précis en fait. On parle des doigts d'honneur, machin. Bon, c'est plausible, hein, mais je me dis quel blanc normalement constitué irait voir ça en fait. Je veux dire, c'est quand même 2h45 de hurlements de négresse, ouais. merde qu'on te fout dans la gueule. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des gens qui vont voir ça. Quoi. Ça me paraît quand même assez. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est probablement c'est un coup de probablement des couples homosexuels. Probablement des couples homosexuels, hein, beaucoup. Ouais, et des femmes blanches et des juifs, hein, je pense, hein, essentiellement. Et des boomers, bien sûr. Mais... Et justement, est-ce que ces gens-là se lèveraient pour dire on est chez nous dans la salle comme ça, quoi. Tu vois, non. C'est là où non. Je m'interroge, quoi. Tu vois. Non. Par contre, il y a peut-être quelques nationalistes qui sont allés criser là-bas, tu vois, ce qui est pas plus mal. Ouais, mais le truc qui est vraiment génial, c'est que ils ont qualifié de violence raciste un blanc qui s'est cru agressé dans le public parce qu'il a vu une énorme négresse lui piquer son sac. Enfin, c'était probablement une dame d'ailleurs. Le truc est génial. Je veux dire, c'est quand même génial, quoi. Donc ils sont là, soi-disant c'est des mimes ou je sais pas quoi sur la décolonisation, enfin le délire. Et t'as juste une rombière qui était probablement une boumeuse de gauche d'ailleurs, toi qui était là, elle voit le pachyderme noir arriver, lui piquer son sac, tu sais, probablement très agressive, soi-disant c'est du mime, mais en fait c'est juste un prétexte pour agresser le public en fait blanc, hein, c'est juste voilà, dit oui c'est de la mise en scène, hein, c'est un mime, attention, etc. Puis tu sais, là ils arrivent, tu sais, ils bousculent les blancs et tu sais c'est là les négresses sont contentes, quoi, tu vois, c'est un truc jubilatoire, c'est du sadisme négroïde, quoi, tu vois. Et il y a une rombière, vraiment probablement une boumeuse de gauche, quoi, qui s'est cru vraiment agressée. Elle dit qu'est-ce qui se passe, rendez-moi mon sac, rendez-le-moi, tu vois. et ils ont classé ça en agression raciste, quoi. Je veux dire, le pépito rouge à la tête du festival, il a dit que c'était une agression raciste. Alors que on en rigole, quoi, on en rigole. Ouais, d'autant que les négresses, quand on riposte ou dès qu'il y a quelque chose qui va pas dans leur sens, c'est les premières à hurler, à tout exagérer pour se faire voir. Bien sûr. Il y a probablement une réaction, une saine réaction d'un oui. spectateur là par rapport à qui pensait se faire chourer son sac par un macaque. Et en fait, les négresses ont dû péter un câble en se disant, raciste. Ah là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là incroyable. Mais moi, faut m'inviter, hein, au festival. Hey, Rodriguez, là, Gonzalez, là, machin. Eh, hey, faut invite-moi. Envoie-moi tes tickets. De toute façon, d'abord, tu dois me les donner, puisque déjà, tu les as gratuitement toi-même, hein, puisque t'es subventionné. Donc, envoie des tickets à Démocratie Participative. Si c'est pas moi qui y vais, j'enverrai des gens à ma place qui iront voir l'année prochaine. Voyez. Opération culture. Opération culture, les gars. Ça serait d'autant mieux. Eh, ça serait bien, ça. Non, et on devrait faire des trucs comme ça, démocratie participative. On fait des trucs participatifs. On dit, voilà, ok, les gars, grand événement culturel. On envoie des gars à nous dans le public. Vous voyez? Mais ça peut être festival d'Avignon. Deux, trois trucs comme ça, un peu, machin. Donc, y a pas un truc, là, sur, je sais pas, la mémoire de l'Holocauste, un truc comme ça. Y a pas des trucs publics comme ça. C'est marrant. Il faudrait qu'on envoie des gars à nous aussi prendre des photos. Ouais, il doit y en avoir toutes les semaines, hein. Ouais, non, mais tu sais, des trucs un peu, voilà, un truc, je sais pas quoi, où vraiment t'as toutes. Ils sortent toutes les momies, là, tu vois, je sais pas, mais il y a des trucs marrants à faire. Et les gars prennent des photos de l'intérieur, tu sais. Mais je pense que c'est ouvert, tu sais, des trucs ouverts au public, tu vois, c'est pas des trucs select, que t'as pas besoin de resquiller pour rentrer, tu vois. C'est ouvert au public, mais il faut qu'on envoie des participants, quoi. Et on pourrait faire des trucs comme ça, quoi, voilà. Évaluation in situ, tu vois, de ce qui se passe. Tu vois, un vrai travail de vigilance. Hein. Il n'y a pas que les antifas qui doivent faire de la vigilance. Nous aussi, il faut qu'on fasse de la vigilance fasciste. Il faut qu'on aille voir un peu ce qui se passe dans leur truc. Donc peut-être l'année prochaine, effectivement, à Avignon, on enverra des volontaires. S'il y a des gars dans la région d'Avignon qui connaissent bien le festival avec tous les cafards qui s'y trouvent, ça peut être rigolo, quoi. Je veux dire, de nous montrer, en fait, la folie gauchiste, si vous voulez. De repérer les trucs les plus délirants dans le lot, parce qu'il y a un peu de tout. Mais je suis sûr qu'on doit pouvoir et même pouvoir croiser des tocards du showbiz, quoi, parce qu'il y en a tout le temps, là, vous savez les gars là qui zonent sur les planches, là, vous savez, on doit en pouvoir en trouver aussi. Ils peuvent peut-être, les camarades peuvent peut-être faire des selfies avec ça, et du coup ça peut être pas mal, quoi, diffuser des selfies avec des mecs connus, ça peut être rigolo. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que vous allez assister à cette formidable pièce de théâtre, Carte noire nommée Désir, ou pas? Est-ce que vous allez... Ouais, je pense pas, non. Mon cardio, ça serait pas bon. Tu risques d'agresser aussi les négresses dans le public, c'est ça? Dans les rangs du public. Moi, tout ce que je retiens, c'est sale nègre. Oui, c'est bizarre, j'avais à peu près la même impression. Enfin, sale négresse, en l'occurrence. Voilà. Ouais, tout à fait. Voilà, c'était le moment culture sur démocratie participative. Alors du coup, maintenant, c'est une phrase qui n'a jamais été prononcée par les nationaux-socialistes, hein, mais ça a été inventé par la propagande. Vous savez, c'est quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Bon, en fait, on a accusé Baldur von Schirach de l'avoir dit, il n'a jamais dit ça. Mais pour le coup, là, moi, si vous m'envoyez au Festival d'Avignon, et je vois ça, là, des négresses obèses, là, en train de... Là, pour le coup, moi, je dis, quand j'entends le mot culture, ou quand j'entends le mot ministère de la culture, je sors mon revolver. Ouais. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. quelqu'un, non, un ajout, peut-être ou pas, non. Et ah oui, le Festival de Cannes aussi. Bien ça, le Festival de Cannes. Ça serait pas mal qu'on envoie des camarades nationaux-socialistes dans le Festival de Cannes. Pour l'année prochaine, hein. Juin, juillet, là. On a Festival de Cannes, Festival d'Avignon. Moment culture, démocratie participative, on aurait besoin d'insiders là qui veulent bien nous montrer des trucs marrants. Ça pourrait vraiment être sympa. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Si vous voulez aller vous fondre dans une masse de nez protubérants. Oui. J'aimerais quand même un truc sur l'Holocauste quand même. Putain, il doit y avoir un événement marrant sur l'Holocauste. Ça doit exister ça quand même. Hein. Ça doit exister ça. Je sais pas. Il y a la fête du Veldiv, mais c'est un petit comité à chaque fois. C'est select, quoi. Donc c'est ça qui est un peu chiant, quoi. Mais bon. Écoutez, on va réfléchir, mais on va trouver des trucs à voir, à étudier. Mais il faut de la participation, c'est important. Alors, rubrique numéro 3, le droitard de la semaine, et c'est Bernard Lugan. qui nous a gratifié d'une analyse publiée sur son blog personnel Blogspot. Et j'ai trouvé ça lumineux. Évidemment, pour certains de nos auditeurs, ça ne sera pas une découverte. Ils ne vont pas apprendre quelque chose. Mais c'est bien mis en forme. Et surtout, ça permet un peu de remettre les points sur les i. Parce que, et vous allez voir, hein, où veut en venir Bernard Lugan, et je rejoins totalement son propos. Du coup, je vais lire ce texte. Donc, il est paru cette semaine, hein, sur le blog personnel de Monsieur Lugan. Alors, voici comment ça commence. Alors, 3 semaines après les dévastations subies par la France, tétanisé devant un réel qu'il niait et qui a fini par leur exploser au visage, les responsables politiques n'ont qu'un remède à proposer, l'assimilation, en majuscule, dans le texte. Vieil avatar de l'utopie universaliste, cette nuée ne permettra évidemment pas de transformer ceux qui, entre guillemets, niquent la France en français de cœur. Retour sur l'histoire. En 1937, le manifeste du PPA, le Parti Populaire Algérien, qualifiait l'assimilation, entre guillemets, d'utopie chimérique, car nous ne serons jamais français, ni par la race, ni par la langue, ni par la religion. En 1945, Édouard Herriot, grande conscience humaniste, disait que l'assimilation, entre guillemets, ferait de la France, encore entre guillemets, la colonie de ses colonies. Le général de Gaulle, dont toute la classe politique française se réclame aujourd'hui, considérait pour sa part l'assimilation comme, je cite, « un danger pour les Blancs, une arnaque pour les autres », dont la conséquence ferait que Colombet les deux églises deviendrait Colombet les deux mosquées. Durant la période coloniale, la France tenta une politique d'assimilation. Son postulat était que, grâce à la diffusion de la culture et de la langue française, colonisés et colonisateurs coaguleraient au sein d'une même nation sous les plis du drapeau tricolore et, pour la plus grande gloire, de la République française universelle. L'échec fut à la hauteur de l'illusion. Cependant, aucune leçon n'en fut tirée, puisque la classe politique française parle de nouveau d'assimilation. Or, premièrement, comment assimiler une déferlante migratoire devenue majoritaire sur une partie du territoire français et qui impose peu à peu ses normes vestimentaires, alimentaires, culturelles, juridiques et religieuses sur l'ensemble du pays? Deuxièmement, comment oser parler d'assimilation quand, par leurs déclarations irresponsables au sujet de la colonisation, François Hollande et Emmanuel Macron ont humilié la France, ne donnant ainsi guère envie aux « citoyens du monde » entre guillemets de s'y assimiler. Troisièmement, comment imaginer que la solution est l'assimilation quand la France qui accueille, nourrit, habille, soigne, loge et éduque des millions d'étrangers est présentée comme une nation entre guillemets « génétiquement esclavagiste et raciste ». Quatrièmement, comment les partisans de l'assimilation vont-ils concrètement proposer leur martingale à des groupes animés par un ressentiment, un sentiment à la fois revanchard et conquérant, notamment Madame Ouria Boutedja, qui ne craint pas de dire que, je cite, « notre simple existence doublée d'un poids démographique relatif, 1 pour 6, africanise, arabise, berbérise, créolise, islamise, noirise la fille aînée de l'Église, jadis blanche et immaculée, aussi sûrement que le sac et le ressac des flots polissent et repolissent les blocs de granit aux prétentions d'éternité. » Sixièmement ou septièmement, comment assimiler des francophobes assumés, dont Madame Afsar Askar, vice-présidente du syndicat étudiant UNEF, donc socialiste, qui a osé dire le 15 avril 2019, jour de son incendie, « Je m'en fiche de Notre-Dame de Paris, car je m'en fiche de l'histoire de France. Voilà, on s'en balèque. Objectivement, c'est votre délire de petit blanc. une Hafsa Aksar qui a également pu déclarer sans être immédiatement traduite devant les tribunaux. Et là, je cite différentes citations données par Bernard Lugan. On devrait gazer tous les blancs cette sous-race. Tout ce que j'ai à dire, c'est les blancs, arrêtez de vous reproduire. Non à la mixité avec les blancs. Je suis une extrémiste anti-blanc. Le monde serait bien mieux sans les blancs, etc. Comment les héritiers des Lumières, qui gouvernent la France en la conduisant avec application sur les pentes de la disparition, peuvent-ils parler d'assimilation quand ceux qu'ils prétendent assimiler rejettent leur dogme fondateur, qu'il s'agisse des valeurs de la République, entre guillemets, des droits de l'homme ou du vivre ensemble, entre guillemets, voire de la laïcité? La vérité est que ceux qui croyaient aux chimères du sacro-saint laïcisme républicain ne voient pas que leur idéologie est morte, prisonniers de l'immédiat, sans mémoire, sans culture et sans courage, ils ne voient pas qu'un cycle s'achève et qu'un nouveau émerge dans le chaos. Aux porteurs des forces créatrices de saisir cette opportunité historique pour imposer un salutaire changement de paradigme. Autrement, les civilisations étant mortelles, la population indigène, celle qui a créé la France, devra s'adapter au changement anthropologique en cours, donc accepter de ne plus être chez elle sur la terre de ses ancêtres, comme les Serbes au Kosovo. Pour approfondir, on se reportera à mes livres. Le premier, Répondre aux décoloniaux, aux islamo-gauchistes et aux terroristes de la repentance. Et deuxième ouvrage, Colonisation. L'histoire à l'endroit, comment la France est devenue la colonie de ses colonies. Alors, vous pouvez trouver tout ça sur le site de Bernard Lugan. Je donne donc l'adresse https://bernardlugan.blogspot.com. Il a aussi une revue, l'Afrique réelle, qui vous permet de comprendre les réalités ethniques, géopolitiques, économiques de l'Afrique, avec les conséquences évidemment sur l'Europe induite. Vous pouvez vous y abonner, tout ça est expliqué sur son site. Alors, arrêtons-nous sur cette analyse lumineuse, effectivement, parce que je dois vous le dire, je sature, hein, moi, de cette... Bon, la gauche, on s'en fout. Hein. À la limite, la gauche sort de l'assimilationnisme. Hein. On voit bien avec Mélenchon, la NUPES, ça. Bon, on en sort. Donc ça, c'est ça. De ce côté-là, finalement, eux sont quelque part plus en prise avec la réalité, puisque maintenant, ils flattent le communautarisme... J'aime pas trop cette formule, mais on va dire le communautarisme halogène, hein, arabo-musulman, africain. Hein, voilà, ils flattent le chauvinisme des halogènes. Donc en fait, ils ne sont plus dans une logique d'assimilation ni même d'intégration. Hein. Ils sont même, je veux dire aujourd'hui, la NUPES les encourage je vais pas dire au sécessionnisme parce que ce serait assez inexact, mais encourage les halogènes à prendre leur revanche et à prendre le pouvoir, hein, en France. En revanche, le centre, je ne sais pas, Macron, je ne sais pas exactement ce qu'il propose, j'ai l'impression qu'il propose rien. En revanche, à droite, ça c'est absolument lancinant. Hein. Tout particulièrement chez Éric Zemmour et aussi au Rassemblement National, on ne nous parle que d'assimilation, c'est la recette miracle. Les Français vont assimiler des masses beaucoup plus importantes qu'eux-mêmes, 50 ans après avoir échoué à assimiler des masses infiniment plus petites qu'eux-mêmes dans les années 70. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez au propos de Bernard Lugan? Est-ce que, comme lui, vous avez une espèce de lassitude de voir ressortir cette espèce de mantra autour de l'assimilation? Effectivement, je pense que Bernard Lugan, comme tu l'as dit, son texte remet les choses à l'endroit, remet les choses dans le bon sens. Et à droite, puisqu'il faut un petit peu critiquer, mais en tout cas une certaine droite, disons, on se targue souvent d'être dans le réel, on se targue d'être loin des idéologies utopistes, etc. Finalement non, puisque l'assimilation, c'est une idéologie utopiste. C'est regarder s'ils s'habillent comme nous et qu'ils mettent des prénoms français, s'ils mettent l'uniforme à l'école, par exemple, hein, vu que ça revient dernièrement, eh bien ils seront comme vous. Ils seront comme vous, et puis en même temps il y a une semi-stratégie politique, c'est-à-dire se dire bon bah tous les immigrés votent à gauche. Peut-être que si on parle pour eux, ils viendront voter à droite. Stratégie qui est vraiment nulle à chier, qui ne comprend pas la façon de réfléchir de ces populations, qui votent pour celui qui leur donnera le plus et pas pour celui qui leur permettra d'avoir un hypothétique, je ne sais pas, une hypothétique fierté d'être français. Ça marche pour les populations françaises, pas pour ceux qui ne sont pas français. Ou alors ça marche pour des individus dans les populations extérieures qui vont se rallier à l'idée de la France, etc. Alors c'est très bien, mais c'est pas à eux que la droite doit parler. Elle doit parler au peuple français génétique, au peuple français d'origine. Et après, les autres s'y assimilent pas, s'ils commencent à nous faire chier avec leur sensibilité de « ah oui, mais bon, mais... » Non, dans ce cas-là, on les balance, on dit « vous n'avez pas compris ce que c'est que d'être français, vous n'êtes pas français, vous repartez ». C'est-à-dire que vous n'êtes plus non plus de votre culture d'origine, mais ça, c'est pas notre problème. Soit vous faites comme on vous dit, soit vous repartez, ou vous allez ailleurs, ou vous faites ce que vous voulez, mais barrez-vous. Et c'est très soft, hein, ce que tu dis. Hein. Comportez-vous bien ou vous barrez, c'est sympa. Hein. C'est-à-dire que moi, qui se comporte bien ou pas, je les fous dehors. Mais bon, Oui, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que je prends une droite. Je parle vraiment du point de vue de la droite. Moi, c'est pareil. J'aurais moins de scrupules à leur dire vous partez et peut-être que on autorisera certains à revenir. Mais ça, c'est une autre question. C'est vraiment pour un petit peu casser sur l'idée de la droite qui sont dans le réel, etc. Je pense qu'ils n'ont aucun lien avec le réel, ils ont du lien avec le réel que quand c'est des visées basses électoralistes qui financent des mosquées, qui financent des associations pro-migrants, etc. Ils se disent, bah tiens, là peut-être que la gauche me donnera des gages et je vais pouvoir rester dans mon petit poste de député ou je ne sais quoi, je ne serai pas mis au banc de l'arc républicain. Donc voilà, je pense que marteler, pour voilà, vous passer la parole pour pas être trop long, mais marteler ce discours anti-assimilationniste, c'est un impératif, c'est très bien que Bernard Lugan le fasse, il faut que d'autres personnes le reprennent pour qu'on arrête. Et le dernier point, ce serait que bah, pour pouvoir arrêter ce discours, il faut peut-être pas choisir des juifs ou des noirs pour représenter notre camp. Enfin, entre gros guillemets, hein, notre camp. Doc. Oui, moi je rejoins Nogaret sur l'analyse globalement. C'est vrai que je trouve ça très bien que quelqu'un comme Bernard Lugan écrive ce type d'article. Pour moi, je pense qu'on est vraiment à un point de bascule là actuellement. On est en train vraiment d'enterrer tout l'héritage de la Révolution et tout ce qui s'en est en suivi, en fait, tout l'héritage républicain avec tous ces gris-gris. Et je pense que le problème du camp assimilationniste, c'est que c'est en fait ils n'ont pas encore compris que qu'on est en train de basculer dans autre chose en fait. Moi, je pense que le point central là, de l'article, c'est quand il parle de sur la fin de chimère, voilà, du sacro-saint laïcisme républicain et qui parle de nouveaux cycles. Je pense que ça, c'est un point absolument central. Et il y a ceux qui le comprennent, il y a peut-être ceux qui sont en train de le comprendre, et il y a ceux qui ne le comprennent pas ou ne veulent pas le voir ou le reconnaître, à savoir, voilà, c'est notamment cette droite assimilationniste qui s'accroche aux branches de ces chimères, hérité du gaullisme, entre autres, quoi, mais qui consiste à croire qu'on va pouvoir recommencer la même chose alors que ça n'a jamais marché, que ça nous conduit un peu plus tous les jours au désastre. Alors oui, tout à fait, le propos de Lugan est particulièrement lumineux, parce qu'il fait, il remonte à la cause première. Donc évidemment, à la différence d'autres pays, la France donc a une histoire coloniale et donc a des rapports anciens avec ces populations. Par exemple, avec l'Algérie, au moins depuis 1830, la France a un rapport constant avec l'Algérie et la population algérienne, le peuple algérien, les peuples de l'Algérie. Et donc, ce n'est pas une histoire récente. Il y a quand même maintenant près de 2 siècles de rapports permanents entre la France et les Algériens. Il ne faut pas le perdre de vue, ça, quand même. Donc, et cela fait 2 siècles que ces rapports sont conflictuels. Et encore, je pourrais remonter à avant, évidemment, 1830, puisque avant cela, les Algériens se faisaient connaître en France par les raids qu'ils menaient contre les autochtones, pour razzier, pour kidnapper essentiellement des femmes blanches et de toute façon des esclaves, pour ensuite les vendre dans le monde musulman. Donc, ce sont des rapports anciens, et on doit pas perdre de vue ça, et je trouve que c'est très utile de sa part de remonter aux racines de la colonisation, hein, puisqu'on nous en parle souvent, mais on ne nous l'explique pas correctement, hein, et à dessein. Donc on nous parle souvent de la colonisation, on nous parle souvent du legs colonial, ou du stigmate colonial, mais paradoxalement, on ne va pas tellement étudier ce qu'il y a autour de la colonisation et les échecs de la colonisation, parce que a fortiori, si la colonisation a échoué, on ne voit pas pourquoi. Je veux dire, si l'Algérie française a échoué, on ne voit pas pourquoi la France algérienne fonctionnerait. Hein. A priori, ça n'a pas vocation à marcher. Donc, j'ai bien aimé quand il cite justement le fait que les Algériens eux-mêmes expliquent dès les années 1930, qu'ils ne seront jamais français pour des raisons raciales, et ils insistent, religieuses, linguistiques, culturelles, et qu'ils sont inassimilables, qu'ils ne peuvent pas être assimilés à la France ou aux Français, que c'est un autre peuple, et qu'à ce titre-là, leurs qualités ne sont pas... sont des qualités, les qualités du peuple algérien sont irréductibles, comme le sont celles d'autres peuples. Et donc, on ne peut pas les assimiler. Ils ont raison, tout à fait, bien sûr. Mais, je veux dire, c'est assez révélateur de voir que, après un siècle, on n'a toujours pas compris. C'est-à-dire qu'on a quand même eu l'échec de la colonisation, en dépit de la tentative, parce que n'oubliez pas qu'il y a eu cette tentative d'assimilation, lorsque le général de Gaulle a fait son putsch en 1958, parce que c'était un putsch, hein, de Gaulle était un général putschiste, faut-il le rappeler. Il a pris le pouvoir en France, il a créé la Ve République, soi-disant pour sauver l'Algérie française, qui à l'époque était découpée en 4 départements. Et alors, il y a eu un effort massif qui a été consacré à l'Algérie, au niveau des infrastructures, de l'éducation, etc., avec pour objectif d'obtenir de la part de la population algérienne une adhésion à son intégration dans la France. Donc, de Gaulle a fait son putsch en prétextant réussir cette fameuse assimilation, même si lui-même, à mon avis, était contre. Mais, politiquement, il s'en est servi. Mais il y a eu un effort massif qui a été fait en 58, 59, 60. Énormément d'argent a été investi en Algérie pour essayer de convaincre les Algériens de rester, entre guillemets, des Français. Bon, déjà, en soi, ça paraît aberrant comme réflexion, mais bon. Donc, ça n'a pas marché. Parce que les Algériens n'en voulaient pas. Et les Français n'en voulaient pas non plus, parce que je rappelle qu'il y a eu un référendum et que les Français, comme les Algériens, ont voté contre. Ils ont voté contre. Donc ça a été une séparation à l'amiable. Séparation qui n'a pas duré, puisque immédiatement après, il y a eu la colonisation à rebours, qui est l'arrivée massive des Algériens en France, pour ne parler que d'eux. Et là, on nous dit, en fait, depuis 50 ans, que ça va fonctionner. Donc en fait, ce qui n'a pas marché en Algérie va fonctionner en France, dans un rapport de force inversé, puisque là, ce ne sont plus les Français qui sont en Algérie pour essayer de réaliser l'assimilation dans les conditions françaises, et fixées par la France, mais inversement. Dans des conditions où les Français sont considérablement affaiblis, où ça se passe sur leur territoire, et où ils ont des gens qui sont face à eux et qui se comportent en conquérants, ce qu'ils sont de manière objective. Donc c'est très important de bien placer cette histoire d'assimilation dans sa continuité coloniale, et, enfin post-coloniale et coloniale, pour qu'on voit bien que ce n'est pas une histoire nouvelle, et je pense qu'il faut absolument le souligner. Et je suis très content de voir que Bernard Lugan le dit, et il le dit avec quand même une grande autorité, puisque bon, là, quand même la question de la colonisation en Afrique, c'est quand même son domaine, il sait de quoi il parle, et je pense qu'il est assez effondré. Moi, je le connais pas, hein, Bernard Lugan, mais donc je ne sais pas ce qu'il en pense, mais je veux dire, je pense qu'il est assez effondré de voir que des vieilles lunes comme ça, c'est pas qu'ils ont cours à gauche, mais à droite. C'est là qu'est le problème. C'est là qu'est le problème, voyez ? Parce que normalement, la droite est censée comprendre la question de l'immigration, parce que c'est elle qui, la première, a alerté sur le danger de l'immigration. Bon, alors, sans parler même de la droite, allons même jusqu'à l'extrême droite. Disons simplement, l'extrême droite a alerté sur la question de l'immigration à partir des années 70 avec le Front National de Jean-Marie Le Pen. Donc, en 72, 73, 74 à peu près. Donc, ils ont alerté très tôt. Donc, c'est eux qui sont censés comprendre le caractère inassimilable des allogènes qui viennent d'Afrique. Or, après 50 ans d'immigration massive, d'échecs systématiques, de critiques de la part aussi de l'extrême droite, de l'immigration de masse, on voit cette droite ou extrême droite organisée, je ne parle pas de petits groupes, je parle bien de gens qui vont aux élections et qui sont représentés au Parlement, ou en tout cas qui aspirent à l'être, on va dire, par exemple, Éric Zemmour, je pense qu'il se présente aux élections européennes, il devrait avoir des élus européens d'ailleurs, Zemmour. Donc, ces gens nous disent, non mais la solution, c'est l'assimilation. Il faut, moi j'entends Marion Maréchal, alors, il joue toujours sur les mots, c'est-à-dire que Marion Maréchal, récemment, elle a pris la parole là, cet été, bon, elle dit, oui, il faut mettre dehors les criminels étrangers, etc. Mais le problème, ce n'est pas limité aux criminels étrangers. En France, la plupart des étrangers ne sont pas des criminels. Ils sont surreprésentés dans le crime, statistiquement, mais tous ne sont pas des criminels. Or, est-ce que pour autant, ce n'est pas un problème ? Bien sûr que si. Parce que ça dénature le peuplement de la France. Ça dénature. Donc, il y a une rupture anthropologique, et c'est ça le problème. Ce n'est pas le fait qu'ils soient criminels. Ça, c'est un facteur aggravant, mais il serait pacifique et docile comme des moutons, ça change pas ça change rien. Est-ce que vous avez, imaginons que la France est repeuplée d'animistes d'Afrique parfaitement inoffensifs. Il y a jamais une agression, jamais rien. Bon, voilà. Vous en avez 5, 10, 15, 20 millions, 35 millions. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un non-problème? Évidemment que c'est un grave problème. Donc, il faut pas réduire le problème, une question d'ordre public, n'est-ce pas ? C'est aberrant même de réfléchir comme ça. Or, en fait, ce que je vois, en fait, c'est pour ça que j'aime bien aussi quand il critique, il dit quand il parle de manque de courage, c'est là-dedans qu'on est. C'est-à-dire qu'en fait, on veut pas oser défier cette espèce de tyrannie idéologique en place avec ses interdits. On n'ose pas dire les choses, on n'ose pas aller au fond. Du coup, on passe par des biais. Alors on va dire, voilà, l'islam a sa place en France, c'est ce que dit le Front National, enfin le Rassemblement National maintenant. Oui, non, mais c'est juste les islamistes. Alors d'abord, ça commence où, un islamiste ? Ok ? Et donc ça veut dire que, voilà, si le mec il paye ses impôts, tout va bien. Bah non. Non. Donc c'est toujours pareil. Donc on est dans la lâcheté, donc on passe par des biais. Alors si c'est donc on va nous parler d'islamistes, on va nous parler de criminalité, etc. Pour pas dire l'essentiel, mais non, mais le problème en fait c'est même pas la violence, ce sont des conséquences, mais le problème fondamental c'est le caractère incompatible des races allogènes avec le peuplement européen. Point barre. C'est une question raciale. Or tout le monde est aux abonnés absents. Et on le voit d'ailleurs avec la fameuse Rebecca Chaillon, qui, bon, visiblement, elle n'est pas musulmane, hein, voilà, elle n'est pas musulmane, bon. Et elle dégoise ses propos anti-blancs partout. Donc, je veux dire, et pourtant, elle est censée être assimilée, elle a un prénom français, elle parle français, je veux dire, elle n'est pas musulmane, comme je le disais, elle a grandi dans un milieu blanc, donc sous-entendu français de souche, etc. Donc c'est censé être la formule gagnante, vous voyez, la Chaillon. Eh ben non, ça ne marche pas. Donc, je veux dire, moi, quand je voyais Bardella, c'est à pleurer, quoi. C'est à pleurer. Et comme ils tournent autour du pot, on va tourner comme ça longtemps autour. Au bout d'un moment, sauf que vous, quand vous regardez dans les maternités, bah c'est là que le problème il se manifeste. C'est-à-dire que dans les maternités, bon, ils sont pas des criminels en puissance, c'est de nouveau-nés. Donc c'est pas des criminels en puissance. Alors, je suis désolé. Pourtant le problème il est posé. Quand vous en avez 40% dans vos maternités, le problème est posé. Enfin, en 35 ou 40%. C'est, voilà. Donc alors qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est ce que dit Lugan. Et là je me retrouve aussi dans sa conclusion. Il dit, bon, bah, c'est simple. Soit on relève le défi, en fait, de l'expulsion générale. Voilà, bah, après tout, ça s'est fait à travers l'histoire tout le temps. Hein, je veux dire, au lendemain de la Première Guerre mondiale, Turcs et Grecs se sont accordés sur des échanges de population, par exemple. Il y a eu des expulsions. Je ne vais pas parler, évidemment, de la situation des Allemands en 1945, qui étaient présents dans toute l'Europe de l'Est, qui ont été expulsés, enfin, qui avaient vécu depuis des siècles en Europe de l'Est, qui ont été expulsés massivement. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Ce ne sont pas les exemples qui manquent. Pour parler même des pieds noirs, évidemment, les 2 millions d'Européens qui ont été expulsés d'Algérie par les Algériens. Donc, ça se passe tout le temps et même très fréquemment. Encore, d'ailleurs, la semaine dernière, les Turcs ont expulsé, comme ça, en quelques jours, 60 000 migrants clandestins. 60 000 en quelques jours. Donc, qu'on ne nous vienne pas dire que ce n'est pas possible. C'est possible. Donc, c'est ça l'enjeu. Mais évidemment, il faut tout remettre en cause. Donc, je me retrouvais dans son propos sur le manque de courage, la lucidité, bien sûr. Ou alors, c'est les Indiens en réserve, et vous êtes minoritaire sur la terre de vos ancêtres, et vous rasez les murs. Voilà. Donc, moi, j'étais quand même content de voir un article comme ça, parce que, grosso modo, moi, après les émeutes, j'ai rien vu, quoi. Hein. J'ai rien vu, hein. Je veux dire, bon, j'ai vu une réaction de Zemmour, etc., mais bon, Zemmour, bon, pour ce que ça vaut, hein, je veux dire, voilà. Mais, parce que, bon, c'est tout et l'inverse de tout. Puis, c'est quand même lui qui a théorisé l'histoire des prénoms, hein. Je veux dire, bon, il fait... Zemmour est un assimilationniste forcené. Voilà, c'est un juif berbère d'Algérie qui prend son cas pour une généralité. Ben non. Il projette sur les autres ce qu'il est. Mais je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Et bon, au Rassemblement National, ils parlent même pas. Ils étaient déjà en vacances, je pense, même pendant les émeutes. Donc qu'est-ce que... Alors, moi j'ai dit ça. Bon, vous avez déjà fait entendre votre propos aussi. Mais pour l'instant, on n'a que des forces assimilées, sauf à la NUPES, entre guillemets, Mélenchon parle de créolisation, mais en fait, il parle pas de créolisation, parce que il y a pas de créolisation. Il parle peut-être de créolisation à la haïtienne. Mais justement, Gandalf, j'allais revenir un petit peu sur ce point, c'est bien que tu l'abordes en dernier, c'est que si on remarque, Lugan établit deux camps, grosso modo, face à nous, les islamo-gauchistes et une espèce de centre républicain, laïciste, etc. Ce qui est très juste, hein, bien sûr. On pourrait peut-être peaufiner un petit peu ça. Notamment, c'est ce qui m'y fait penser sur la question de la laïcité et justement l'impensé qu'il y a à droite. La droite, en fait, se conforme à ce que la gauche lui dit pour rester dans son marasme et réutiliser des concepts de gauche qui ne sont pas efficaces, comme l'assimilation. Sur la laïcité, par exemple, il y a plusieurs définitions de la laïcité. Il va y avoir la laïcité, par exemple, que Zemmour essaye de reprendre, qui a été longtemps, c'est-à-dire pas de signes religieux dans l'espace public, etc. Et maintenant, la gauche propose une nouvelle notion de la laïcité qui serait pas de discrimination liée à la religion. C'est-à-dire qu'on peut mettre des signes religieux dans la rue, le tout c'est qu'on ne soit pas discriminé pour ça. Ma question là-dedans, c'est pourquoi la droite n'offre pas sa propre version de la laïcité comme la gauche le fait? Pourquoi elle se conforme à la version que reprend Zemmour, qui est plutôt centriste, hein, qui est plutôt gentillette, et la gauche propose sa propre version et tout se passe bien? La droite, encore une fois, dans la guerre des mots, hein, on pense par les mots, hein, comme beaucoup ont pu le dire dans le passé, et comme Henri de Lesquin l'a fait remonter il y a plusieurs années de ça, mais comme on pense par les mots, il faut que la droite commence à prendre les concepts qui sont forgés ailleurs pour leur donner une autre signification. Il pourrait très bien reprendre le concept d'assimilation, mais avec un sens très très très restreint, en disant, ben voilà, si vous n'êtes pas dans le moule, vous dégagez. Et comme ça, ça me permettrait de parler d'assimilation pour justifier une politique derrière qui serait réellement de droite. Le fait est que bien souvent, bah voilà, on est dans une guerre, alors de culture, mais même de civilisation, etc., une lutte perpétuelle contre le bloc centriste qui a des valeurs un peu vagues, mais qui sont des valeurs cosmopolites, avec les LGBT, la République, le laïcisme, c'est un peu un cache-sexe pour que les boomers votent, mais bon, ça c'est notre question. Et à gauche, on a plutôt, oui, ce qu'on pourrait appeler de l'islamo-gauchisme, mais qui est une espèce de marxisme abattardi, où au final, on voit les premiers prémices des, par exemple, Sartre, qui, dans des préfaces de bouquins, justement, qui se voulaient décoloniaux, notamment, il y a la préface d'un je crois que c'est un ouvrage qui s'appelle Orphée Noir, où il parle déjà, à l'époque, de racisme antiraciste. En gros, c'est les noirs contre les blancs, et il justifie ça. Et en fait, c'est une notion qui est assez ancienne. Ils réussissent à donner au concept l'acceptation qu'ils veulent. Et c'est dans la lutte, en fait. Et la droite n'arrive pas à faire ça. Et comme tu l'as très bien dit, en reprenant les propos de Lugan, si on n'arrive pas à mener cette lutte, on va disparaître, ou tout du moins on va être, comme tu le disais, dans des réserves à l'indienne. Donc il faut mener le combat, surtout au lieu de se rattacher à ce qui existe déjà. Il faut être moteur dans la définition des concepts qui permettront de penser justement une politique réellement de droite. Doc, éventuellement ? Non, dans les médias, pas grand chose à ajouter. Alors messieurs, comment ne pas terminer cette émission en revenant sur notre dernière rubrique relative aux Juifs, puisque cette semaine, nous avons défrayé la chronique et nous avons beaucoup déplu, après avoir écorné le nez de Madame Seban, Shannon Seban. Je vous lis cet article de Paris Match, qui est lui-même complètement scandalisé par démocratie participative. Alors, un vrai torrent de haine, c'est ce qu'a reçu Shannon Seban, en interpellant sur Twitter l'ancien ministre Philippe Devilliers en fin de semaine dernière. Mais vous n'avez pas honte, a ainsi demandé la conseillère municipale Renaissance de Rosny-sous-Bois, âgée de 27 ans, après le poste écrit le 20 juillet par ce proche d'Éric Zemmour, donc un Villiers, hein, qui voyait dans le remplacement de Pap Ndiaye par Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale, hein, le passage du woke au LGBT. Il faut dire aussi que De Villiers a évoqué Bilderberg, hein, donc qui est un groupe d'influence transnationale très connu, qui fait et défait les carrières politiques, évidemment. Donc en fait, c'est la coulisse où le pouvoir réel se trouve. Enfin, c'est une des coulisses où le pouvoir réel se trouve dans les démocraties. Hein, c'est pas au niveau des élections que ça se passe. Et alors, ça a effectivement défrayé la chronique. Alors, l'article poursuit. Le lendemain, vendredi soir, là je cite Shannon Seban. Le lendemain, vendredi soir, j'étais dans un dîner en famille pour Shabbat, car j'exerce mon judaïsme, et quelqu'un m'a envoyé un article, raconte-t-elle à Paris Match. Sur la publication ouvertement néo-nazie d'Empart, on peut lire, entre autres, à son propos, je cite, « Même si vous voulez oublier qu'elle est juive, son nez vous en empêche de façon très menaçante. » Il est 22h, je me demande « qu'est-ce que je fais ?» poursuit-elle. Mais le simple fait que je me pose la question en 2023 est révélateur. Puis je me dis qu'il ne fallait pas laisser passer en raison de mon héritage personnel. Alors ça prend au sens strict ou quoi, héritage ? Je me pose la question. Alors j'ai donc réagi en postant ce tweet pour le dénoncer. Elle y explique que l'antisémitisme dont elle est victime est inacceptable. Le tweet est vu plus près de 600 1000 fois et provoque une vague de soutien cette fois, en tout cas. Une vingtaine de députés de l'Assemblée nationale et du Parlement européen de presque tous les bords, pas du Rassemblement national, selon elle, mais aussi le premier secrétaire du Parti socialiste, hein, ou la journaliste Anne Sinclair, donc de son vrai nom Schwartz, hein, donc l'ancienne femme de M. Strauss-Kahn, se montre ainsi solidaire, évidemment par réflexe purement communautaire, hein, vous le comprenez bien. Dans la foulée, elle mandate son avocat, Robin Binsard, pour déposer plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de la République de Nanterre, etc., pour injure publique à raison de l'appartenance à une religion déterminée. Alors, j'ai pas compris ça, par contre. J'ai pas compris. En lisant cet article, j'ai eu un vrai choc, souffle la jeune femme ce lundi 24 juillet. Je n'ai jamais vécu un tel antisémitisme. Ah bon? Je croyais qu'il y en avait partout. Alors, on a rapidement obtenu la fermeture du site, mais il a rouvert ce lundi sous un autre nom de domaine. Un second article a été posté sur moi avec des photos de moi, de mon nez. Ça fait mal, je suis dégoûté, mais après l'émotion, place à l'action. Je suis déterminé à agir pour lutter contre la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, car il y a des trous dans la raquette, nous dit encore Shannon. Il faut cibler les hébergeurs de ces sites, créer aussi un mandat d'arrêt, carrément, pour qu'un individu condamné plusieurs fois soit arrêté. Oui, bon, bah on appellera ça un mandat d'arrêt éventuellement. Si me battre contre certains vides juridiques doit devenir modestement mon combat, Ça me dit quelque chose, ça. Mon combat. Qu'est-ce que ça donnerait en allemand, ça, mon combat? Mein. Je crois que c'est Kampf, hein. Mein Kampf. Bah, c'est une piste de réflexion pour un livre, éventuellement, Shannon. Mein Kampf. Il y a quelque chose à faire. Peut-être avec une couverture orange, ça pourrait le faire. Ouais, ça va être pas mal, ouais. Alors, je le ferai, achève Shannon Saban. Être juive et avoir un gros nez. Ça n'est pas une honte. La honte doit changer de camp. Bah, au moins, elle reconnaît qu'elle a un gros nez, déjà. Alors, lequel? Elle est dans lequel, en ce moment, en fait, là? C'est lequel? J'ai pas la carte ou le nez, là. Justement. Alors, messieurs, on a déstabilisé, visiblement, le Shabbat de Shannon. Oh, éveil! Chef de file de Renaissance en Seine-Saint-Denis. Ok, d'accord. Donc, c'est le parti de Macron. Hein. Et donc, apparemment, son obsession, c'est de lutter contre le racisme. Donc, contre les blancs. Hein. Dans le 93. Alors, bon, alors je ne sais pas comment elle fait. Parce qu'il n'y a plus de blancs dans le 93, en fait. Donc, je ne sais pas exactement comment ça. Les juifs ont plein d'idées comme ça, mais j'ai toujours du mal un peu à suivre, moi. Donc bon, elle va lutter contre le racisme dans le 93. Alors il y a eu un communiqué du parti présidentiel d'Emmanuel Macron, donc Renaissance, donc anciennement La République, enfin peu importe, on s'en fout des étiquettes. Alors en disant qu'ils allaient lutter contre l'antisémitisme et les fascistes, etc. Et incidemment, donc démocratie participative. En gros, je résume hein, la théorie, enfin même la pratique aussi. Ils m'ont vu, je dépose plainte. En gros, c'est ça. Vous m'avez regardé, je dépose plainte. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Attention, hein, Shannon écoute tout. Hein, vous avez intérêt de surveiller vos langues. Comment ça se passe? Bah, moi, franchement, je me lasserai jamais en fait de ces réactions outrées de ces juifs qui hurlent à la mort dès qu'on les découvre en fait. Et c'est pour ça qu'elle porte plainte, c'est parce qu'on l'a découverte, on l'a pointé du doigt, elle ne supporte pas. Donc ça va pas plus loin que ça. Hein, c'est génial à chaque fois. Moi, je me régale à chaque fois que je vois ce genre de réaction. C'est du miel. C'est du miel. C'est le pays du lait et du miel. Et d'ailleurs, je m'interroge, elle dit avoir découvert l'article pendant son Shabbat. Que ça lui aurait gâché. Ouais, il n'y a pas le droit d'utiliser les Oui, c'est ce que je dis, mais c'est quoi ça, Shannon? Dis donc. Oh là là, ça sent le judaïsme réformé, ça. Hein, c'est bizarre, ça. C'est très libéral, tout ça. C'est bizarre. Oui, je suis d'accord avec ça. Normalement, ils n'ont pas le droit de toucher. C'est là qu'il faut des Shabbat goyim, justement, pour allumer et éteindre, tu sais. Enfin, par exemple, Manuel Valls a commencé en politique comme ça, je vous le rappelle. Hein. Je veux dire... Non, mais je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? C'était dans la première mouture de l'article, je crois, elle avait dit « Mon Shabbat Goy m'a montré l'article en défilant le téléphone. » Mais ils ont décidé que ça faisait peut-être un peu trop, donc ils ont retiré la en disant que... Ah ouais, ouais, ça fait exactement. Trop... Ah ouais, ça fait trop Cisjordanie, là, tout de suite, là. Non, pas comme ça. Oui. Bah, non, mais c'est vrai, non, c'est une vraie question, ça, du coup, là... Non, mais j'imagine qu'ils ont des groupes, tu sais, plus ou moins stricts, quoi. Tu vois, plus ou moins, voilà, ils observent plus ou moins ce qu'ils veulent, quoi. Tu vois, faut pas allumer la lumière, tu vois, mais en fait, t'as les lumières partout, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas, moi, j'en sais rien. J'ai jamais fait Shabbat. Hein. J'ai jamais fait Shabbat. Ouais. C'est interdit au Goïm de faire Shabbat. Non, mais en même temps, c'est là où on voit la proximité avec l'islam, parce qu'ils ont aussi ces prédicateurs à qui on pose des questions, on leur dit est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas ça, et puis eux répondent selon le texte, voilà, selon le code de loi. Hein. Donc voilà, non, sinon sur l'affaire, bah c'est très bien. Cette députée, si j'ai bien compris. Non, elle n'est pas députée. Bah, à la vocation, enfin, elle est juste élue à Rosny-sous-Bois. Ah oui. Bon, il y a des gens qui s'emmerdent, hein. Putain. Être élue à Rosny-sous-Bois, je sais pas, ça c'est un drôle, enfin, j'ai du mal à comprendre. Mais, non, elle est élue à Rosny-sous-Bois, mais c'est la bosse du parti de Macron dans le 4, donc c'est la principale intermédiaire de, mais on la voit souvent sur les plateaux de télévision, si vous faites attention. Bon, c'est pas la plus aiguisée. Hein. Franchement, c'est toujours un peu poussif ces interventions. Tu vois. En plus, je sais pas si t'as remarqué, mais les séfarades sont vachement vulgaires, quoi. Bah, c'est le côté. Elles sont vulgaires. Hein. Voilà, c'est le côté vulgaires. Vraiment sémite, quoi. C'est... Ah ouais, non, elles sont vulgaires, quoi. Elles essayent et tout, mais non, elles sont vulgaires. Et alors, en fait, elle dit un gros nez, etc. Mais c'est pas qu'il est gros, gros. Bon, à la limite, mais je veux dire, c'est surtout qu'il est extraordinairement courbé, en fait. Il est aquilin, mais dans des proportions juives, quoi, je veux dire. C'est... Enfin, moi, je suis désolé, hein, mais moi, moi, je vois pas Shannon Seban, en fait. Je vois le nez de Shannon Seban à chaque fois. Et je demande rien, c'est pas de ma faute. Elle le montre, alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, c'est pas de ma faute, hein. Voilà, donc maintenant elle porte, maintenant les juifs vont porter plainte contre les gens qui les voient. Moi je demanderais quand même quelque chose, c'est est-ce qu'elle arrive à fumer sous la douche? À mon avis, elle a dû déchirer plus d'un chemisier, à mon avis. Mais bon, enfin voilà. Bon, scandale. Encore une fois, à cause de nous. Voilà, on a. En tout cas, ce genre d'affaire, ça montre bien que le tout Paris là et les banlieues à côté, enfin tous ces milieux sont vraiment cul et chemise, vraiment tous ensemble. Quoi. C'est parce que moi, à la limite, je veux dire, c'est du juif là. Objectivement, c'est, je dirais, pèse rien, quoi. Je veux dire, c'est pas. C'est pas quelqu'un qui a de l'influence. Je veux dire, c'est objectivement, c'est personne, quoi. Bon, elle est un peu médiatisée, mais bon, c'est tout, quoi. Objectivement, ce n'est personne. Et même en étant personne. Attends, c'est personne, mais elle passe quand même à la télévision. Donc, elle a 27 ans. Donc, d'accord que, voilà. Peut-être un peu, mais ce que je veux dire, c'est que même une. Il suffit juste d'appartenir au Sérail, et d'autant plus à une certaine communauté que nous connaissons bien, pour que la moindre remarque, finalement, soit passible des tribunaux, en fait. Donc, je veux dire, quand t'es un blanc, si t'es un français de base, je veux dire, tu te fais insulter par tout le monde à la télé, tu te fais insulter. Oui, il y a des négresses qui se baladent avec des bébés embrochés. Dis donc, là, elle a un gros nez, hein, quand même. hop, ça. On n'a pas dit qu'elle avait un gros nez. On dit qu'elle avait, un nez. Oui, menaçant, oui, c'est vrai qu'il est. Attends. Attends, je vais citer, soyons précis. Alors attendez, hein, que, hein, même si vous voulez oublier qu'elle est juive, son nez vous en empêche de façon très menaçante. Bah oui. C'est la vérité vraie. Bah, moi, je, bah oui, oui. Objectivement, oui. Moi, je suis désolé, hein. Voilà. Mais il y a, c'est... Enfin, c'est juste, ça veut juste... Bah, je sais pas, enfin, moi, je vois pas de problème, hein. D'ailleurs, aux États-Unis, ce serait même pas possible de tribunal, un truc comme ça. C'est qu'en France, avec cette tyrannie juive en place, là. Hein, voilà. Bon, bah... Même, j'allais te dire, c'est même une expression. Ça se voit comme le nez au milieu du visage. Donc, je vois pas de quoi se plaindre. Bah on, non, on mais bon... On fait accusé d'expression. On va dire, voilà, on lui a remis le nez dans ses propos. Ouais, c'est ce qui s'appelle etc. remettre le nez au milieu du village, effectivement. Comment dire ? Bon bah désolé pour le Shabbat, hein, moi je savais pas. On savait pas, nous on fait ce qu'on peut, hein. Mais alors, voilà, nous on est là. Mais bon, en même temps, faut arrêter aussi de passer sur les écrans de télévision en agressant tout le monde avec un nez pareil. Je veux dire, voilà, il y a des gens innocents qui regardent ça et forcément ils ont des réactions de peur légitime. Hein, je veux dire, donc voilà, donc ils l'expriment. Voilà. Si vous voulez pas être vu, vous faites c'est comme les musulmanes. Hein. Bah non, mais qu'est-ce que ce voile, quoi. Je veux dire, voilà, c'est bon. Il faut se voiler. Voilà. Mais après, dans cette polémique, ce qui est beau, c'est que elle tourne autour de sa personne, enfin, elle enlève le sujet principal pour tourner autour de sa personne, alors que le propos de base, c'est quand même de comprendre qui va s'occuper. Oui, de l'édu- alors, oui, dit, hein. L'éducation des enfants. Oui, mais c'est un de ses congénères oui, voilà. aussi. Alors, c'est Attal. Alors, donc. Bah, c'est ça. Donc, voilà, au final, donc, on reste dans le même. On reste dans le même kibboutz, quoi. C'est tout. Bah, la France est un grand kibboutz, en fait, hein, au fond. En résumé, c'est ça, la France est un kibboutz. Hein. Voilà. Hein. Il n'y a pas de Palestiniens, quoi. Il y a des Blancs à la place, quoi. Mais c'est pareil, quoi. T'as les checkpoints et tout, t'es surveillé. Quand tu dis un mot de travers, t'as les autorités juives qui interviennent. Etc., etc., quoi. Hein, voilà, donc... Il y a plus de liberté, à mon avis, pour les Palestiniens ont plus de liberté, à mon avis, dans leur pays que qu'en France. Hein. Pour un Français. Hein. Parce qu'ils peuvent être antisémites quand même chez eux. Dans leur maison. Ou même dans leur zone de peuplement, tu vois. Ils ont le droit d'être antisémites. Alors qu'en France, tu peux même pas aller de chez toi, quoi. T'as pas le droit, tu vois. T'es agressé, mais t'as pas le droit de te défendre contre l'agresseur, tu vois. Donc, bon. Au moins chez eux, ils ont quand même le droit de maudire ceux qui les agressent, quoi. Tu vois. Bon, je sais pas. Moi, je trouve que bon, ça, c'est il y a matière à réflexion là-dessus, je pense. Quelqu'un d'autre là-dessus Alors, éventuellement, est-ce que vous excusez Oh non, pas vraiment. Non. Je pense qu'on a le droit de parler de nez sans risquer le procès, tout de même. Alors non, mais je pense que c'est plutôt Shannon qui devrait s'excuser pour son nez. Moi, je suis désolé. Moi, je veux des excuses, quoi. C'est... Et un dernier mot pour Shannon, attention avec ton nez à ne pas crever l'écran. Oh là là. Bon voilà, du coup, à la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.